Le plan de cette semaine à Sondage Rookie. On termine l'été avec un format pour remporter de cet effet de Kiki Sexy Time, mais on se prend une dernière bouffe la semaine pour la route. J'espère que Steph fera pas de gaffe, parce que sinon on l'a banni des après-midi de C'est Fou. À Sondage Rookie tout de suite. Évidemment crier ça a rentré malgré l'erreur. Juste un regard de ma part, je pense qu'on a compris. C'est insérer votre gag ici. Bonjour, bienvenue à Assemblage Rookie, dernière de la version estivale Assemblage Rookie pour cette semaine du 25 août. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. C'est la dernière semaine pour bien des choses, Stéphanie Paradis. Oui, c'est la dernière semaine, je sais pas, de quoi d'autre? Tu veux que je te réponde? Moi? C'est la dernière semaine de notre saison estivale. Oh oui, mais autre que oui. Ça. Dernière semaine où on anime ensemble l'après-midi. Ah oui, c'est vrai. Probablement. Ouais. Mais ça dépend si je fais une gaffe ou pas. Moi, je m'attends à... C'est pas mon genre. Moi, je m'attends à... Non. Genre que t'es pas... C'est tellement bon. Ouais. Mais justement, je ferais pas de gaffe. Franchement. En tout cas, on verra bien. Sinon, c'est la dernière représentation de la musique thème de l'émission. Oh! T'es étouffé? Ça va? Ouais, excuse-moi, j'ai comme un poil de chatte dans la gorge. Pas parce que j'ai une ma chatte, c'est une fille. Ah, ok, ouais, ok. Ouais. T'as un chat féminin à la maison. C'est ça, un chat. C'est elle qui mène. Ça doit être elle qui porte les culottes, hein? Pas mal ça, ouais. Pas mal ça. En tout cas, bref, c'est la dernière de bien des choses, dernière de notre look d'assemblage requis rétro-style qu'on a depuis beaucoup trop longtemps. La semaine prochaine, tout va changer, mais faut pas craindre le changement. Hein. Et le pire de tout ça, c'est que je sais même pas de quoi ça va avoir l'air. Aucunement, parce que littéralement, il y a une seule personne qui a entendu tout ce qu'il y a de nouvel environnement. C'est ma chatte. Non, c'est pas une personne, ma chatte, c'est un animal. Je la prends pour une personne, mais c'est une animal. Une animale. On peut dire ça, une animale? Oh oui. Si on peut dire une enfant, pourquoi pas une animale? Ben voilà. De toute façon, ce matin, j'ai fait de l'aréobie. À l'aréopore, j'imagine. Oui. Ouais. Puis. Aréobin. Aréobin. J'ai bien hâte de voir la nouvelle horaire. La nouvelle horaire de notre. De toutes les nouvelles. Non, attends. Faut faire un féminin avec. Avec épisode. Ça va être une belle épisode qu'on va voir ensemble mardi matin. De 6h30 à 9h30. Une belle épisode d'une émission. En tout cas, on s'en farge dans les féminins masculins, ça va faire. L'émission d'aujourd'hui, Stéphanie, je te dis ce qui s'en vient, en fait. Tu sais que depuis quelques semaines, et ça vaut même pas la peine de le répéter, mais on fait des grosses chroniques pour... Oui, on aime ça quand c'est gros. On ratisse large, on s'écartille les pattes. De chat. De chat, exact. On se lève la queue. De chat. Donc on va faire, c'est un fait, Super Size Edition, bien sûr. Oui. On va faire aussi, étrangement, King Sexy Time. D'habitude, on ferait une heure de c'est un fait, mais je vais m'arranger pour faire une heure de Kinky et c'est un fait mis ensemble en une heure. Chouink. En alternant ou après l'autre? Un à chaque fois, et on change de musique à chaque fois aussi. T'es sûr? C'est un fait. C'est peut-être toi qui vas faire la gaffe, là. Je vais être pogné pour animer tout seul. Probablement. Moi et ma console, on est tellement proche, tellement bon avec... Ensuite, on va faire ça devrait répondre là en deuxième heure. Évidemment, format familial, encore une fois. On a de l'argent illimité. Make it rain, comme on dit. J'espère juste que ça sera pas comme les sacs de chips format familial, puis que ça sera pas le trois quarts de l'air. Hein. Trois quarts. Ah, c'est un bon slogan pour l'émission, ça. Trois quarts de l'air. c'est comme trois quarts de l'heure, c'est comme trois quarts d'heure. Si l'émission durait trois quarts d'heure, on pourrait dire trois quarts d'air à la place. Ah, ouais, on pourrait inviter les sentinelles aussi. De l'air, hein? Ouais. D'accord. Et que je les aime pas, ça. J'ouvre et je ferme la bouche. Puis là, tu parles à la place. Oui, bonjour, je m'assois à tes plans. Le gag visuel ici. et finalement, dans la dernière heure, ou en tout cas, ce qu'il en restera avec les chroniques qui dépassent tout le temps de leur case, vers la dernière heure, on va faire la bouffe et la malbouffe de la semaine. Super size, double portion. Évidemment, on a chacun une portion comme toujours. Non, moi, j'ai amené deux affaires. Ben, j'ai aussi amené deux affaires, mais de la même famille. Comme le format familial, tu sais. Non, mais encore. C'est comme deux saveurs différentes d'un item semblable. C'est exact. J'aime ça, on peut comparer. Oui. Ouais, ben ouais. Quoi? Non, c'est ça. Il n'y a absolument rien de gag qui me vient. On peut comparer. C'est comme un essai entre. Ben, c'est comme essayer deux filles, mettons ça. Mettons, j'aurais pu amener ça à une analogie de gars qui couchent avec le monde. Ça serait assez trash comme chronique, hein? T'amènes deux filles, puis... Tes essais, deux saveurs, deux couleurs. J'osais pas le dire. Un petit peu de crème, OK. Racis. Hein? Oui. On sort une sandwich avec la crème glacée. Au contraire, ah ouais, par ici. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Vulgarité en moins. Ça part mal. Hein? Vraiment? Mais on aime ça. Donc, c'est l'émission d'assemblage requis pour la semaine du 25 août 2014. Voilà. Avant de continuer, de commencer en fait en chronique, comme on le fait en début d'émission avec C'est un fait, on va revenir un petit peu, pas vraiment en arrière dans ce cas-ci, mais je me suis dit que pendant les prochaines journées, semaines qui suivront au début de la session, pourquoi ne pas retourner en arrière et entendre des nouvelles entrées des Palmarès C'est fou qu'on n'a pas vraiment tant écouté que ça, parce que cet été, répétons-le mille fois pour que vraiment le souligner, on était en vacances pendant un petit bout et on a manqué, on a pas, ils ont juste joué peut-être une fois à un moment donné. Méritent leur chance, eux autres aussi, ces nouvelles entrées-là. On se remet donc, comme dirait Alain Lefebvre, dans la douche. Non, je pense que c'est le bain. Je pense qu'on dit se mettre dans le bain. Wow, ça dépasse, ça, c'est une question de goût. Une question de goût, douche, spa, sauna, tellement c'est hot comme palmarès. Ice Bucket Challenge. Pour ça, c'est ça. Question de se mettre dans le Ice Bucket Challenge des palmarès. C'est fou, écoutons Propofol. Et la nouvelle entrée, commando. Comme dans Tout le monde tout nu, tu sais, quand t'es commando, c'est que tu portes pas de vêtements. Ah oui? Ouais. Bonne émission. Propofol et Commando, position numéro 20 du côté francophone sur leur album Le Banquet. Stéphanie Paradis. Oui, Mathieu Plante. Ouais, on écoute des nouvelles entrées, des palmarès, mais une entrée qui ne sera probablement jamais dans les palmarès de C'est fou, c'est la chanson thème de C'est un fait. Ah, ouais. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, ça même note. Des choses que je sais pas, c'est un fait. Uh-huh. C'est un fait. Uh-huh. Je pense que j'aime mieux cette façon-là. Je pense que c'est mieux. On va le faire comme ça. Hey, je chantais ça chez nous l'autre fois, sans le vouloir, puis finalement, c'est mon chum qui s'est mis à chanter ça, il l'avait dans la tête. Ah. C'est quoi cette tune-là? Pauvre gars. Tu veux pas le savoir. Non, c'est ça. Vraiment aucunement. Mais pour ceux qui savent pas, c'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les 3 V, il y a plein d'autres V qui pourraient être dans la liste, mais on n'en parle pas vraiment, on garde ça pour Kinky Sexy Time. Donc, commençons, c'est un fait, avec j'allais dire un bloc thématique, c'est pas vraiment tout. Commençons avec Barbie. Un bloc de 1. Un bloc de 1, tu sais, un bloc thématique sur Barbie, avec un seul fait. Barbie Resto Bar Grill. Ah, si on pouvait chanter, mais copyright. Ah. Justement, présentement, j'écoute la série Under the Dome. Puis le gars s'appelle, son surnom, c'est Barbie. Mais à chaque fois qu'il parle de lui, qu'il l'appelle... La toune part. C'est plus fort que moi. J'ai tout le temps la toune dans la tête. C'est drôle. En Australie ou ailleurs, à plein d'endroits, on appelle ça barbecue, on appelle ça un Barbie. Ça. Put some shrimp on the Barbie. Hein? Ben oui, ça doit avoir rapport. Ben sûrement. Barbie, resto... Bar grill, c'est ça. Ouais, sinon. Sinon, Ken Café Bistro. Ce serait pas pire s'il y avait pas ça. C'est un support de mon fils, ça, bravo. Hey, yeah. Bon, c'est tout pour la thématique Barbie. Non, tu connais le American with Disabilities Act. C'est un acte qui a été amené donc en 1990 qui donne plus de liberté ou en tout cas plus d'une bonne petite chance aux citoyens handicapés des États-Unis. Donc, ça empêche la discrimination envers eux basée sur leur handicap. Bon. C'est l'American with Disabilities Act. Bon, hein, cela étant dit, là, ça demande d'ajouter des choses comme des rampes, mettons, des ascenseurs dans des bâtisses, etc. Donc, c'est obligatoire. En 1997, Mattel, la corporation, la compagnie derrière Barbie, a sorti la poupée Share a Smile Becky, hein, qui venait avec une chaise roulante rose. Ah! Et premièrement, moi, j'adore le fait que ça s'appelle pas genre Handicap Barbie. Non, c'est juste une poupée normale, Share a Smile Becky. Becky partage un sourire. Si on souligne pas son handicap, je trouve ça cool. Oh oui, oh oui. Donc, Mattel avait les meilleures intentions du monde. Il voulait normaliser le fait d'avoir un handicap, tout en rendant les femmes plus fortes, les femmes handicapées plus fortes, en leur disant qu'elles pouvaient être Barbie. Même si, bon, peut-être que dans ce cas-là, être Barbie n'est peut-être pas un bon but à non, avoir dans pas la vie. Donc, une jeune fille, une femme presque de 17 ans avec paralysie cérébrale qui vient de Washington, a remarqué que la poupée n'entrait pas dans la célèbre maison de rêve Barbie's Dream House à 100$. Elle rentrait pas dedans. Donc, elle n'était pas ADA compliant. Ça ne suivait pas les règles de l'American with Disabilities Act. Donc, Mattel a répondu en faisant une annonce disant qu'ils allaient redessiner, refaire la maison dans le futur pour accommoder la poupée. Mais bien sûr, la maison n'était pas le seul problème. Presque tous les accessoires de Barbie ne fonctionnaient pas avec ses véhicules, les voitures, etc. Il n'y avait rien à faire. Barbie, Share a Smile, Becky, pardon, n'était pas compatible. Il aurait été aussi bien de refaire la poupée. Tu sais, à place, on refait la poupée de façon à ce qu'on puisse la retirer de sa chaise roulante, comme n'importe quel handicapé peut de toute façon monter dans une voiture. Malgré que le message n'est peut-être pas le bon de changer la personne handicapée au lieu d'adapter le monde à son univers. Mais quel commentaire sage! J'en ai des frissons! J'ai des frissons facilement ces temps-ci, il fait frais. L'air climatisé brise. Donc, en 1956, un autre bloc thématique sur les asiles, avec un fait dedans, juste un fait. C'est un bloc thématique. Ah, okay. C'est le running gag de ton. Moi, je n'étais jamais sur les asiles. Les asiles. Avec un Z. Merci. Donc, en 1956, un citoyen de Philadelphie, Kenneth Donaldson, a voyagé jusqu'en Floride pour visiter ses parents, qui étaient des personnes âgées, des parents âgés. À date, ça va bien. Ça va très bien, on se comprend. Quand il était chez ses parents, Donaldson a fait un commentaire qui disait qu'il croyait que ses voisins empoisonnaient sa nourriture à lui, à Kenneth, d'accord? Okay. Un petit peu paranoïaque, si on veut. Donc, en réponse à ça, son père, qui savait que son fils avait eu un épisode de problèmes mentaux il y a 13 ans, a parti une pétition pour qu'on le passe devant une cour, ce qu'on appelle un sanity hearing, donc un procès sur sa attitude d'esprit. En tout cas, bref. Donc, pendant le procès, même s'il n'avait pas reçu aucun conseil de la part d'avocat, il n'avait pas eu de représentation par un avocat, Donaldson a été diagnostiqué par l'État comme un schizophrène paranoïaque. Donc, il a été escorté à l'hôpital, donc dans le système de la santé mentale de l'État de la Floride, où il a été gardé là, à vue, avec d'autres dangereux criminels. Ben, d'autres. Des dangereux criminels, probablement que Kenneth n'était pas un dangereux criminel. Donc, Donaldson a refusé les traitements, a toujours proclamé qu'il était sain d'esprit et a essayé de travailler fort pour se faire pour qu'on accepte qu'on puisse le sortir de là finalement. Après 15 ans, Donaldson aura finalement réussi à s'échapper, pas illégalement, mais c'est à sortir de là, de cet asile de fous là. Et il a poursuivi l'hôpital. Son cas s'est rendu jusqu'à la Cour suprême et Donaldson a gagné selon un vote unanime. Il a gagné unanimement. Ben tant mieux. Tant mieux pour lui. Donc le cas s'appelle O'Connor versus Donaldson et ça a mené à la, en tout cas pas à la, mais vers plus de désinstitutionnalisation des asiles pour personnes avec problèmes mentaux, donc aux États-Unis. Pauvre gars. Pauvre gars. Et bravo et merci de la part de tout le monde d'avoir fait avancer la cause. Parce que dans le fond, aussi. Son gros séjour là-bas aura servi à quelque chose. Voilà. Et fuck son père, hein? Non, non, mais non, mais. Sérieusement. C'est ordinaire. Tu stoules ton fils, puis il n'y a même pas de problème. Je veux dire, potentiellement, il y a peut-être un problème, mais tu ne vas pas demander un procès. C'est over stoulé, là. C'est ça. Tu sais, des fois, une discussion père-fils, ça peut faire bien des affaires aussi. Ouais, et over stoulé, quand tu sais que stool, ça veut dire une selle en français. C'est over stoulé, c'est comme. Tu fais déborder, là. Ouais. Un autre bloc thématique, cette fois-ci sur les cartes, les maps monde. Okay, j'avais juste un fait. Je suis déçu, je pensais que c'était les cartes à jouer. Non, vraiment pas. Donc, les cartes, les maps monde n'ont pas été toujours comme elles sont maintenant. Hein? Si on retourne au Moyen-Âge, les anciennes cartes, donc, n'avaient pas le nord au sommet, le sud en bas, l'est à droite et l'ouest à la gauche. En fait, on mettait l'est au plus haut point de la carte, voulant dire que l'Asie était au sommet de la carte alors que l'Europe était en bas. Ah! Freaky! C'est vraiment bizarre, hein? Ben oui, puis non. Ça dépend, c'est quoi nos points de repère? C'est exact, mais tellement que notre façon de faire les choses est devenue la base, tu vas voir que l'Asie était connue par les Européens sous le nom de l'Orient, qui vient du latin qui veut dire Est. Orient. Tu sais, des fois, on dit l'Orient et l'Occident. Oui, mais ça, je savais. Tu savais ça? Pas ça comme si. Non, mais attends un peu, parce que j'ai pas fini. Ah ouais, non, c'est ça, attends. En effet, tout le monde sait ça. Là. Moi, je savais bien avant de le lire. Ça, ben oui, ben oui. Je l'ai pas su juste après l'avoir lu. Pendant que. Mais non seulement ça, que ça provenait du latin, je savais vraiment pas, qui voulait dire est, mais en plus, quand tu bougeais avec la carte qui faisait face vers la bonne direction, on appelait ça orienting. S'orienter, orienter, orient, latin est. C'est ça? Ouais, sûrement. Mais ben, s'orienter, ça vient du mot est. Ouais, bon. J'avais pas pensé. Bon, voilà. Ouais, mais. Pourquoi en haut, c'est comme le bon... Voyons donc, on peut pas, ça peut pas être en haut. On va pas en haut quand on va en Asie. Mais tu suivais, quand t'avais la bonne direction devant toi, qui était pointée vers le devant avec l'Orient, donc devant toi, et que tu te positionnais d'une façon ou d'une autre, je sais pas comment il faisait, mais tu t'appelais ça de l'orientation. Bref, je trouve ça intéressant. Donc C'est perturbant, pareil, la vision du monde, juste à cause de la carte... géographique. Complètement, complètement. Et donc, c'est pas toutes les cartes modernes qui mettent le nord en haut de la carte encore aujourd'hui. Ça, est-ce que tu savais ça? Aujourd'hui, là, il y en a encore qui sont pas de même. Ben, je sais, j'ai déjà vu une carte australienne qui était faite à l'inverse. Ah. Je sais pas si c'est courant. Mais les saisons sont en vert, les toilettes sont en vert. Hey! Je sais pas si c'est vraiment... Les toilettes, je pense que oui. Ils l'ont prouvé dans les Mythbusters. Ouais, il me semble que oui. Les pétunes mythes. Les pétunes de mythes. Ah, ça serait tellement le fun comme nom. Les pétunes de mythes. Dans Simpson, ils ont appelé ça les péteurs de mythes, je crois. Moi, j'avais appelé ça dans ma tête les briseurs de mythes. Je trouvais ça meilleur. T'sais. Oh, mais péteurs, c'est péteurs, drôle. Péteurs, c'est vraiment ça. Donc, par exemple, de cartes qui ne sont pas dans le même sens que nous, les cartes, les maps mondes de l'Arctique et de l'Antarctique, généralement vont s'orienter autour des pôles. OK? Ouais, Alors que les cartes des villes qui ont sur leur bord l'eau, la mer, vont souvent mettre la mer au-dessus de la carte. Ah! Intéressant ça. Faut que tu le saches. Faut le savoir. Certaines maps vont explicitement renverser ce qu'on appelle le nord en haut. Donc, ils vont mettre le sud en haut et le nord en bas, comme tu as parlé en Australie, j'imagine. Et ces cartes-là s'appellent dans le domaine des reversed maps, des maps à l'envers. Donc, vraiment, on dit qu'ils sont à l'envers. On est au courant qu'ils sont à l'envers. C'est ça. C'est descriptif qu'on appelle. Un autre bloc thématique sur le Ku Klux Klan, mais avec un seul film. Oh, mais avec trois cas. Mais avec trois cas. Donc, OK, ça va être trois faits, je vais les séparer en paragraphes. Okay. Donc, en 2012, un chef du Ku Klux Klan, du nom de Harley Hansen, a adopté une autoroute. Aux États-Unis, tu peux adopter une autoroute, ça s'appelle Adopt a Highway, c'est un programme. Ah oui? Ouais. Tu fais le ménage là-dedans, tu ramasses les déchets sur le côté, des trucs comme ça. Pour vrai? Est-ce que tu te fais avoir autant que si t'adoptes une étoile? Je sais pas, ça, t'as rien à faire avec les étoiles. Hein? Alors qu'au moins, les poubelles, t'as une job. Faut que tu ramasses les déchets sur le bord d'une autoroute. Oui, c'est un peu plus valorisant. Ben, demandant, mettons. Ouais. Ouais, en tout cas, ouais, c'est plus d'investissement. Donc, ce leader-là du KKK, du triple K, a adopté un bout d'autoroute pour nettoyer la place. Lorsque la législature, donc les gens haut placés, voulaient refuser sa demande, ils ont été forcés à... ils voulaient les refuser, mais ils ont été obligés de leur donner la permission parce qu'ils n'utilisaient pas l'autoroute de façon négative. Il n'y a pas de raison négative derrière leur adoption de l'autoroute, donc ils ne pouvaient rien faire contre ça. ça. En retour, la législature du Missouri a renommé la route en hommage à Rosa Parks, qui est celle qui s'était assise de façon tout à fait célèbre et culte et icône de la vie à l'arrière de l'autobus qui était séparé, la ségrégation oui, des races. Oui. Bon. Donc, elle s'était assise là en défiant toutes les lois. Donc, c'est Rosa Parks, une idole pour la communauté afro-américaine. Donc, Anson, qui était surnommé le Imperial Wizard, le sorcier impérial du Coca-Cola, ben, c'était juste pour le faire. Ça, c'est génial. C'est fin, hein? Donc, même si c'est un groupe terroriste, en tout cas, c'est classé dans les groupes terroristes, donc locaux et domestiques. On parle à l'échelle locale, ils les ont nommés, eux, dans les pas domestiques, dans le sens qu'on a le droit d'en avoir un à la maison. C'est un chat domestique, le coquin. Donc, non, un petit casque de pyjama. Comment on appelle ça, c'est-à-dire une capine. Un casque de pyjama. Une capine. Oui. Une capine blanche. Bref, c'est ça. Voilà. Le Coca-Cola disait que c'était une façon pour eux d'adopter une autoroute. C'était une façon pour eux de se rebrander, refaire leur image de marque. Tu comprends? Et avoir l'air plus gentil et attirer d'autres gens dans leur célèbre secte. Come on! C'est un but noble pour le Coca-Cola. Oui, c'est ça. Bloc thématique sur l'obsessivité compulsive. Oui, avec un seul fait. Ouais. Un seul fait. En 1988, George, de son... au hasard. George, comme... Sharky et George, j'imagine le même. Donc, en 1988, George vivait une période difficile. Il avait seulement 19 ans. Il souffrait du syndrome, là, ben pas, non, du désordre obsessif-compulsif. Le TOC. Du TOC. Trouble obsessif-compulsif. Trouble obsessif-compulsif, désordre de trouble. J'imagine que tout ça veut dire la même chose, mais bref, sa maladie l'affectait dans à peu près chaque sphère de la vie. Il prenait des douches tout le temps, il se lavait les mains une centaine de fois par jour, parmi plein d'autres TOC. Donc, ses compulsions l'ont éventuellement mené à quitter son emploi et à lâcher l'école. Il a eu des problèmes de dépression. Il a dit à sa mère qu'il aimerait mieux mourir que de continuer de vivre. Donc, dans un vrai moment, comme on appelle de mère de l'année, sa mère lui a dit « Ben, fais-le donc. » Sa mère lui a dit « Ben, fais-le donc. » Sa mère a dit ça. Ben, fais-le donc. Elle devrait sortir avec l'autre là, qui a fait une pétition pour son fils. Hey. Le couple de l'année. Donc, après, s'est tiré dans la tête. Honnêtement, et officiellement, il s'est tiré dans la tête. George a été amené à l'hôpital en accéléré. Tout le monde parlait super vite. Donc, les chirurgiens ont retiré la balle de sa tête. En fait, c'est atterri dans son lobe frontal gauche. Est-ce que ça existe, le lobe frontal gauche? Ça existe, en tout cas. Ben, c'est peut-être ça. Pas là, mais ça existe. Non, c'est bien là. Je me demandais si c'est un terme en français. Mais ils n'ont pas réussi à enlever tous les fragments de balles de fusil. Par contre, en s'en remettant de sa maladie, de sa blessure plus, les docteurs ont découvert quelque chose d'étrange. Après avoir essayé de se suicider, George n'avait presque plus de compulsions. Et à la place de le tuer, la balle a endommagé la partie de son cerveau disponible pour son TOC. Responsable pour son TOC. Ah. Donc, sa maladie était partie, le syndrome, le désordre, le trouble. Et George est retourné à l'école et a trouvé un nouvel emploi. Mais c'est merveilleux. J'espère qu'il a coupé les ponts avec sa mère. J'espère bien. Ouais. Parce que c'est ça. Personne n'a besoin. Hein, tu ne choisis pas ta famille, mais tu peux choisir de ne pas passer du temps avec eux autres s'ils ont un problème de même. Hein? est-ce que tu connais le plat célèbre américain, mais vraiment pas au Québec, Green Bean Casserole? C'est pas un super-héros de Marvel, ça, Green Bean? Green Bean, le célèbre Green Bean, c'est quoi son super-pouvoir? Les flatulences. C'était la réponse numéro 1 au sondage. Et le sondage donne... 100 Québécois ont répondu. Les flatulences. Merci Jean-François. Donc, la Green Bean Casserole, c'est un plat de l'Action de grâce, précisément, très populaire aux États-Unis. C'est des fèves... fèves germées? Non, je pense pas que ce soit des fèves germées. Mais des green beans, bref, d'où le nom, green bean casserole. De la crème de champignons et des oignons français, French fried onions, donc des oignons frits. Donc, le plat a été inventé par la compagnie de soupe en canne, Campbell's Soup Company, en 1955, je te jure. Et c'est devenu vraiment extrêmement populaire partout. Les gens ne se servent pas nécessairement de crème Campbell. Mais quand même, l'ingrédient principal dans la recette, c'était évidemment la crème de champignons de Campbell. Comme on voit sur toutes les cannes qui ont des recettes, ils vont dire la propre marque, c'est bien normal. T'sais. Même si ils n'ont pas besoin de le préciser parce qu'on le sait. On l'a dans les mains, de toute façon, quand on lit la recette. Hey boy. Donc, Dorcas Riley a mené l'équipe qui a créé cette recette-là en travaillant avec des membres de ce qu'on appelle le Home Economics Department. C'est dans les écoles, Home Economics, c'est un petit peu la... Économie familiale? Économie familiale, comme on dit. Il n'y en a plus maintenant, je crois. Non, pas vraiment. C'est triste. Ça manque. Oui. Ça manque. Apprendre la couture et la cuisine. Faire les green bean casserole. Ben ouais. Apprendre à péter dans un bon angle pour que ça sente... Donc, l'inspiration pour ce plat-là était de créer une recette facile et rapide autour de deux ingrédients que la plupart des Américains avaient sous la main dans les années 50, c'est-à-dire des fèves vertes et de la crème de champignons Campbell. Des casseroles. Des casseroles. L'ingrédient. Un ingrédient. Est-ce qu'il liste sur les ingrédients? Casserole, cuillère, fourchette. J'espère. Okay. Geste poivre. Donc, la recette d'origine, la carte originale d'origine est au National Investors Hall of Fame à Akron, en Ohio. Donc, on peut vraiment aller voir la vraie recette si ça vous intéresse. Ah ouais! Cool! Qui est casserole, crème, ouais. Le champignon Campbell et des fèves vertes. On revient un petit peu à la paranoïa, un petit peu comme tantôt avec notre homme qui était en prison pendant 15 ans. Est-ce que tu es si paranoïaque que tu es pro-noïaque? Pro-noïaque. Dans une paranoïa, les gens sont souvent, croient que tout le monde et tout autour sont là pour nuire à leur vie, dont le gouvernement. Oui, des fois, oui, on va paranoïer, le gouvernement nous écoute, etc. Ce qui est vrai aux États-Unis en passant. Mais bon, peut-être qu'ils nous écoutent présentement, là, mais là, on est en onde. Hey boy! On s'y attend, là. C'est ça. En fait, on espère que quelqu'un nous écoute, s'il vous plaît. Et si on ajoute les États-Unis à nos codes d'écoute, là, ça va bien aller. Donc, la pro-noïa est quand... Attends un peu. J'ai pas fini mon autre phrase. Donc, mais il y a une condition qui est exactement le contraire de la paranoïa. On appelle ça la pronoïa. Bon. Donc, pronoïa, c'est quand les autres croient que les conspirations sont en fait créées pour leur bénéfice à eux. Donc, c'est une philosophie dans cette croyance-là où les gens croient que le monde a été créé en secret pour avantager ses habitants. Okay? Donc, l'idée de la pronoïa a été mentionnée dans plusieurs livres, etc., depuis le roman de 1955 par J.D. Salinger, je crois qu'il faut dire. Salinger. Donc, J.D. Salinger, Raise High the Roof, Beam Carpenters, c'est le nom de son livre. Le terme pronoïa n'a pas été utilisé en tant que tel, parce que le principe a été mentionné en 1955 dans ce livre-là, mais le terme pronoïa a été inventé en 1982 par le docteur Fred H. Goldner, qui a publié un article sous ce nom-là, le nom de pronoïa, dans le journal Social Problems. Donc, au départ, plusieurs voix publiques, donc les bien-pensants, pensaient que la pronoïa était simplement une théorie du complot. Mais ensuite, c'est devenu, ça a été appuyé par des études scientifiques, psychologiques et linguistiques. Donc, pronoïa, ça existe. OK, ça aurait été un produit du complot, c'est des paranoïaques qui ont écrit ça? Tu sais, hein? C'est comme le paranoïaque, over-paranoïé jusqu'à temps que tu reviennes l'autre bord. Ouais, c'est ça, ça fait un rond. C'est le circle of life. Le groupe de rock, et le rock est entre guillemets, pour ceux qui connaissent la vraie définition du rock, ça n'est peut-être pas vraiment, mais Blink-182. Ah non, c'est du punk. C'est plus du punk. Pop-punk. Du pop-punk? Pop-punk. Pop-punk. Donc, lorsqu'ils ont choisi le nom pour leur compagnie... quand on choisit un nom pour une compagnie, revenons au départ. Quand on choisit un nom pour une compagnie, il faut considérer plusieurs choses. Il faut savoir, il faut penser, est-ce que le nom est court? Est-ce que c'est accrocheur? Est-ce que ça va passer un message par rapport à ton entreprise? Est-ce qu'il est déjà pris? Très bon point. Très, très, très bon point. Cherchez un petit... il y a un nouveau site, Google? .com. Donc, généralement, ça devrait passer un message sur ce que tu as à offrir. T'sais. Comme c'est fou 81, Caroline, qu'est-ce que c'est pas fou. Hein? Ben, c'est ça. Zone campus, qu'est-ce que c'est pas une zone définie entre deux points A à point B. Et dans plusieurs commerces sur le campus. Et blablabla. Donc, ça doit passer un message. Bon, donc ça doit attirer l'attention. Le groupe de pop, rock, punk, Blink 182 a décidé de nommer sa compagnie Pennywise Poopoo Butt LLC. Pennywise Caca Fesse LLC, si on veut. Parce qu'en 1999, quand ils ont sorti leur album Enema of the State LP, le groupe a décidé de former cette compagnie-là et la décision était que le nom de la compagnie devrait pas seulement être basé sur le fait que ça sonne bien, mais aussi de faire une joke. Déjà, le titre de l'album Enema of the State en est une popée. C'est vraiment en anglais, comme on dit. Bon. Donc, je cite ici, on a fait ça parce que c'était la chose la plus immature, la plus stupide à faire. Ça, c'est un des membres du groupe qui a dit ça. On pensait que ce serait drôle que nos comptables, nos gérants, nos avocats doivent dire le nom au téléphone à tous les jours. Ah oui! Pennywise Poopoo Butt, elle a dit bonjour! Ah, c'est génial! Pennywise Cacafesse, elle a dit bonjour! Quelle adorable idée! On retourne en 1979. Tu connais Où est Charlie? Bien sûr! Je t'en parlerai pas, c'est pas un fait sur Où est Charlie, mais dans le même genre, avant Où est Charlie, un écrivain britannique nommé Kit Williams, ou comme je l'appelle en français, Ensemble Williams, a écrit un livre pour enfants nommé Masquerade, que j'appelle en français Masquerade, avec une vraie chasse au trésor, mais un bien meilleur prix que juste une chasse au trésor d'habitude ou du gang à quoi des œufs de chocolat, mettons à part, hein? Non? C'est génial ça, des œufs de chocolat! Ouais, mais imagine un œuf doré à 18 carats! Non, je prendrais le chocolat. Moi aussi, en effet. Donc, Ensemble, Williams a voulu créer un livre de peinture que les lecteurs devraient étudier attentivement au lieu de juste changer de page, mm-hmm. Et passer à autre chose et jamais s'en rappeler. Donc, il a scellé l'œuf à l'intérieur d'un panier en forme d'œuf. En fait, hare, je crois que c'est une sorte d'animal. Je crois que c'est un petit... Hare, H-A-R-E. Peux-tu me chercher si c'est un lapin, un lièvre ou quelque chose comme ça, s'il te plaît? Tu serais bien gentil. Je crois que c'est un lièvre. Il me semble que c'est un lièvre. Mais bref, donc, un lièvre en or caché dans un... Voilà. Caché dans un lièvre en céramique. Donc, c'est peut-être pour protéger le prix du sol, de la terre, mais aussi de à ce que les gens trouvent le trésor avec un truc à métal, tu sais, un détecteur de métal. Oui. Donc, en mettant dans de la céramique, tout empêchait ça. Donc, le 7 août 79, William, qui était accompagné par son témoin oculaire, Bamber Cascoigne, ils ont enterré le panier à un endroit secret en Angleterre. Williams a annoncé que son prochain livre allait contenir tous les indices nécessaires pour décoder l'endroit précis où était caché le trésor à l'intérieur de quelques pouces, une distance de quelques pouces. Voilà. Donc, à ce moment-là, le seul indice additionnel qu'ils ont fourni, c'était que ça allait être enterré sur une propriété publique et que c'était donc facile d'y accéder. C'était pas un endroit où tu avais pas le passé. C'est une bonne idée de le préciser pour pas que certaines personnes virent complètement folles et aient creusé sur le terrain d'autres truies. D'autres truies. Comme un lièvre, j'imagine, pourrait le faire. S'il s'échappait. Mais un lièvre, c'est pas si pire. Je sais pas. Donc, le 11 décembre 1988, le Sunday Times, un journal, a imprimé une nouvelle accusant le gagnant du concours Masquerade d'être une fraude. Le gagnant Ken Thomas, entre guillemets, a été révélé comme pseudonyme de Dougald Thompson. C'est bizarre, Dougald, parce que Doug, ça veut dire creuser, ça. C'est vrai, Dougald Thompson. Uh-huh. Donc, c'était le partenaire d'affaires de M. Thompson. Mais voyons oui. donc. Donc, John... c'est un pseudonyme de Dougald Thompson. Le partenaire d'affaires de M. Thompson, John Guard, était le copain de Veronica Robertson, qui était une ancienne copine de Williams. Donc, c'est ça l'ensemble des faits. C'était des gens qui se connaissaient. Okay? Donc, seulement plus tard dans la vie, Williams a découvert que Thompson n'avait pas résolu le problème de la façon, dans le fond, prédéterminée. Mais il était apparu. Comme ça, il était par hasard tombé sur le trésor. Juste après que Thompson ait reçu le prix de façon formelle, on lui a donné le prix. La solution correcte a été révélée par deux professeurs en physique, Mike Barker et William Hulme, et John Russo de la Russell School, peu importe. Mais Barker et Russo avaient trouvé le prix eux-mêmes. Dans le fond, ils avaient creusé le trou, mais ils n'avaient pas remarqué la boîte. Ils n'étaient pas assez allés profondément. Le trou était fait. Ils n'étaient pas assez allés profond. Allés assez profond, entre bref. Et donc, M. Thompson, qui était dans le coin par hasard, comme on a dit, avait vu l'endroit, est allé creuser et a réclamé le prix. Donc, il avait triché. Est-ce vraiment triché si tu finis le travail de quelqu'un d'autre? Parce qu'en tant que tel, ils n'ont pas fini. Ils avaient charbouché le trou. Mais non, je ne considère pas qu'il a triché. Non plus. Il a juste eu un coup de chance. Je m'excuse, mais c'est parce que si tu prends pas... Pour le prix, si tu prends pas le temps de creuser un peu plus, tu le mérites pas. C'est la faute à qui? Des scientifiques qui ont creusé. Comme des maillets. Et qui voilà. C'est un outil qu'on pourrait, j'imagine, utiliser pour creuser. Un maillet, non, je suis pas sûr. C'est un peu loin. Pour enfoncer le lapin dans... dans le sol. Dans le sol, va. Donc, maintenant, parlons de politique. En fait, le système politique des États-Unis, évidemment, demande et on en fait requiert la liberté d'expression. Je pense que c'est tout basé sur la liberté d'expression, mm-hmm. la politique aux États-Unis. Le plus haut niveau d'éducation qu'une personne peut avoir, okay, plus tu as un niveau d'éducation élevé, moins tu as de chances, selon une étude, d'entendre des opinions opposées aux tiennes. Donc, les gens qui ont le plus de discussions diversifiées sur la politique sont ceux, selon l'étude, qui n'ont pas gradué de l'école secondaire. Ah! Étrange, hein? Donc, ça a mené à ce que les gens chialent pour avoir une meilleure éducation. Parlant de diversité et tout ça. Donc, disant que, dans le fond, c'est ça. OK. Il disait que plus tu avais une éducation élevée, plus ça forçait les gens ou ça leur mettait de la pression pour qu'ils soient conformes aux normes. Donc, dans le fond, les gens parlaient contre l'éducation plus de niveau supérieur, disant que ça allait forcer les gens à se conformer. Donc, 65% des collèges, des meilleurs collèges les mieux cotés, 65% des 392 collèges les mieux cotés, selon un sondage, ont des codes, ce qu'on appelle des speech codes, donc qui empêchent la liberté d'expression. Et donc, il y a des restrictions sur les expressions qu'on peut dire. Dans le fond, si tu dis quelque chose qui ne va pas dans ce code-là, tu peux te faire retirer de l'école, finalement. Ah, okay. Donc, 65% de ces 392 meilleurs collèges-là ont un speech code. Une étude chez 24 000 étudiants par l'association l'Association of American Colleges and Universities en 2010 nous révèle que 30,3% des gens qui sont seniors au collège, tu sais, freshman, tu sais, première année, deuxième année, troisième année, senior, je crois que c'est la... troisième année. J'aurais dû regarder avant, mais bon. Donc, il était d'accord avec la phrase qui disait « Je me sens en sécurité si je dis ou si je montre mes opinions qui ne sont pas populaires sur le campus. » Donc, 30% ont dit que je me sentais en sécurité de dire mes opinions. Donc, ça veut dire que vraiment, littéralement, 60% se sentent pas en sécurité de dire leur opinion. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, le nombre d'étudiants qui ont une opinion non populaire à l'université ou au collège refuse. Descend de moins d'études que tu as eues. Dans le fond, si tu étais freshman, le pourcentage est plus faible. Et ensuite, ça monte jusqu'à temps que tu sois plus avancé dans tes études. Tu as plus en plus peur de dire tes opinions. C'est celui qui a le moins de sens dans mes faits aujourd'hui, mais quand même, on se comprend. Mais non, on comprend. D'accord. On s'en va à New York maintenant. Le Grand Central Terminal, c'est une gare de train, le Grand Central Terminal. On a déjà vu ça en vidéo plusieurs fois. Donc, le célèbre endroit de New York, il y a une pièce qui s'appelle la Whispering Gallery. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Whispering Gallery? Non, mais ça me semble creepy. C'est en effet assez épeurant. On va entendre un extrait sonore dans quelques instants. Donc, ça s'appelle Whispering Gallery parce qu'on peut y chuchoter et s'entendre à plusieurs pieds, en fait à 50 pieds de distance. C'est la forme de la pièce qui lui donne une acoustique assez intéressante. Les gens qui visitent cette pièce-là peuvent se mettre dans des coins diagonales de cette pièce de 50 pieds de large et se chuchoter de l'un à l'autre. Je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à 50 pieds pour s'entendre. La pièce mesure 50 pieds, mais il faut y aller en diagonale. Donc, ça ne doit pas être exactement 50 pieds. Donc, ils peuvent s'entendre parce que la pièce est en forme d'arche. En arche. De Noé. Tu as bien raison. Hey, bon petit truc mnémonique pour moi parce que je me rappelle jamais si c'est arche ou arc. C'est arche, clairement. Ça. Franchement. Le mot arc, arche. Arc, c'est pas ça. Je sais, je t'ai vu venir. Donc, je t'ai vu venir, mais... Je sais pas si je t'aurais entendu venir dans le rendu là, c'est un petit peu bizarre. On va écouter l'extrait de deux personnes qui se chuchotent. Donc la personne qu'on entend un petit peu plus aiguë était la personne qui tenait la caméra. Donc on l'entendait mieux. C'est la personne qui était une fille, on l'entendait mieux parce que c'est elle qu'on entendait de près dans le micro. I love you more, c'était le gars qui était dans l'autre coin. On le voit dans la vidéo, c'est un petit peu difficile à décrire, mais à une bonne, quand même assez longue distance. Donc c'est cool. Mais on l'entend super bien à travers le brouhaha de voix. C'est ça, imagine avec le bruit qu'il y a dans un terminus de train, genre. Mais faut savoir c'est où cet endroit-là exactement pour en profiter. Ben, c'est assez difficile à manquer. Si vous allez voir sur assemblagerequis.com, il y a vraiment une image de l'arche. C'est caractéristique comme visuellement. Voilà. Ils n'ont pas déjà fait ça dans How I Met Your Mother? Il était dans une pièce et il se parlait à l'autre bout. Ça dit quelque chose, ça? Oui, je me souviens pas qui, mais chuchotait des insanités pour déranger la discussion. Avec comme 9 saisons d'épisodes. Ouais, c'est ça, on sait plus trop... C'est où? C'était où? Donc, l'inventeur de la caméra Snapshot, tu sais, les caméras Kodak, George Eastman, s'est suicidé. Et sa note, à la fin, pourrait surprendre, comme disent les maudits articles avec grand titre accrocheur sur Internet. Tous les articles ont tout le temps genre « Sa note va vous surprendre. Je ne le crois pas. » C'est tout le temps de ces temps-ci, c'est tout le temps ça. Donc, son nom, c'était George Eastman, l'inventeur de la première caméra Snapshot Kodak. Vous connaissez probablement le nom. En plus d'être une des premières marques avoir été inventé avec des syllabes qui n'avaient aucun sens ensemble, c'est vraiment l'idée. Il n'y a pas de définition derrière ça, c'est juste Kodak. Pourquoi pas, t'sais. Des syllabes qui n'ont pas de sens, ça a aussi amené une révolution de la photo. Donc, il a réussi à simplifier le processus de la photographie. Il a créé un produit que tout le monde pouvait utiliser. Il a aussi été le pionnier d'un système dans lequel les employés de la compagnie recevaient des dividendes. Donc, essentiellement, ça faisait d'eux des propriétaires à temps partiel ou des propriétaires en partie de la compagnie. Mm-hmm. Vraiment cool. Quand il avait 77 ans, il a attrapé, ou en tout cas, il a été victime de spinal stenosis. Ça a rapport avec la moelle épinière, bref. Donc, la douleur était vraiment extrême. Il a décidé de se suicider en se tirant dans le cœur. Ouais. Et sa note avant de mourir était, et je cite, « À mes amis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Pourquoi attendre? » Ah! Triste, hein? Oui. Triste, mais bon, c'est l'inventeur du Kodak. Les gens qui ne peuvent pas porter de gants de latex pourraient potentiellement ne pas manger de kiwi. Ah, y a-t-il du latex dans le kiwi? Il y a quelque chose qui ressemble à du latex. Donc, les réactions allergiques aux gants de latex sont peut-être pas communes ou répandues, mais on les voit une fois de temps en temps. En fait, l'article nous dit que c'est une des plus connues, des plus communes. Je sais pas, j'ai pas les chiffres ici, donc je sais pas. Peut-être. Donc, c'est difficile de croire que ça aurait un lien avec les fruits. Mais l'allergie a lieu quand on s'expose de façon répétée à des produits qui contiennent du latex, du caoutchouc, latex naturel. Donc, plus tu l'utilises, moins tu vas être immunisé à l'allergie. D'accord. Donc, les membranes peuvent absorber les protéines du latex, les membranes du muqueuses, vont absorber les protéines du latex, ce qui va faire que le corps va produire des anticorps qui vont réagir avec ça et ça va causer une allergie. Bon, comme toutes les allergies pas mal, il y a quelque chose qui se passe là-dedans puis ça fait sortir du méchant. Donc, les gens qui souffrent d'une allergie au latex sont susceptibles d'être allergiques à plusieurs autres produits des plantes, normalement des fruits. On appelle ça le latex fruit syndrome. Les fruits et les graines qui peuvent causer des allergies, et entre autres les bananes, tu vas être triste d'apprendre ça. Ben non, je suis pas allergique. Non, c'est ça, mais... Bien mieux pas. Mais tu pourras pas faire de plat à quelqu'un qui est allergique au latex, peut-être, s'il y a des bananes dedans, on sait pas. Donc, bananes, ananas, avocats, il y a les kiwis, les mangues, fruits de la passion, figues, fraises et le soya. C'est tout le meilleur. Le meilleur stock. La plupart, mais pas tous, contiennent du latex. On dit « naturally occurring latex », donc c'est naturel, c'est dans la nature. Ça explique les réactions allergiques. Ah, ben je savais pas ça. Un dernier petit fait, Einstein, qui a fabriqué un réfrigérateur qui n'avait pas de partie qui bouge. Donc, dans les années 20, il y avait dans les nouvelles, c'était dans les journaux partout, qu'une famille de Berlin avait été tuée lorsqu'un seau, un seal, tu sais, quelque chose qui scelle quelque chose. Ah, un seau... J'essaie de le... S-C-E-A-U au lieu de... Non, ben... Non, S-E-A-U comme un son, un pot, là, tu sais. Ouais. Le Ice Bucket Challenge, si on veut. Donc, une famille de Berlin a été tuée lorsqu'un seau dans leur réfrigérateur a brisé et ça a fait une fuite de fumée toxique dans leur maison. Ça a inspiré le seul et unique Albert Einstein à faire un réfrigérateur qui n'avait pas besoin de choses qui bougent dedans. Donc, Einstein a travaillé avec son ancien étudiant, Lesserzilds. Wow, quel nom incroyable. De toute façon, on n'en reparlera pas après ça. Non, S-Z-I-L-R-D. T'imagines comment c'est? Zirzild. Ouais, il y a comme pas assez de voyelles. Non, hein? Donc, ils ont travaillé sur ce réfrigérateur-là entre 1926 et 1933. Basé sur un design avec des d'inventions similaires quelques années avant par un couple d'investisseurs suédois. Donc, le cycle de réfrigération utilisait l'ammonia pressure equalizing fluid, c'est une sorte de liquide, du butane refrigerant, donc c'est du réfrigérant au butane, et un liquide absorbant l'eau. Donc, il n'y avait rien qui bougeait là-dedans, donc à part le liquide, bien sûr, il n'y avait rien, pas de moteur ou de trucs qui font du mouvement. Uh-huh. Donc, ça n'avait pas besoin d'électricité du tout pour opérer. Ça avait besoin seulement d'une source de chaleur, donc soit un petit brûleur au gaz ou encore un élément chauffant. Aujourd'hui, si on continuait là-dessus, ça pourrait être de l'énergie solaire. Sans problème. Donc, ça a été nommé en l'honneur de Einstein. J'imagine le Einstein Refrigerator. C'est très probable, par contre, que ce soit M. Cicero qui ait inventé l'appareil, alors que M. Einstein était consultant, probablement, c'est ce qu'on dit. Et c'est lui qui a travaillé sur les brevets parce qu'il travaillait dans un bureau de brevets plutôt dans sa vie, M. Einstein. Ah, intéressant. Ouais. Voilà pour It's a Fact. C'est cool, hein? Cool comme un réfrigérateur. Ouais. Ouais. Pas d'explosion là-dedans. À part de plaisir. Donc voilà pour cette partie d'Assemblage requis. On revient dans quelques instants avec Kinky Sexy Time. Yeah! Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Vous êtes toujours Assemblage requis, c'est l'émission en pièces détachées de Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera Kinky Sexy Time. On va faire des aigus comme ça tout le long parce que tu sais, c'est tellement... Kinky! Voici Ludovic Allary et contre courant. Ludovic Allary et Contre-Courant, position numéro 18 francophone pour la période du 4 au 24 août 2014. Je vous rappelle encore une fois que les palmarès seront de retour la semaine prochaine. Donc, ben, en fait, la semaine du 1er septembre. On va être les mercredis de 14h à 17h. Et c'est même assez fou. Maintenant, toujours assemblage requis, c'est le moment d'être un petit peu plus... Comment... Moins sexy, dis-moi. Kinky Sexy Time, c'est la petite sœur dévergondée de C'est un fait, et on parle de choses un petit peu plus sexy. Donc, commençons à Amsterdam, Steph. OK. Amsterdam. Damn. Donc, tu parles de l'animal, là? Damn hamster. Hein? Hamster. Damster. Laisse faire. Oh, le silence. Donc, l'aéroport... Le Raéoport de Schiphol en Allemagne fait quelque chose d'assez intéressant dans leurs urinoirs. Ils mettent des mouches dedans, mais pas des vraies mouches, des fausses mouches. Hein? L'idée, c'est qu'il y a un sweet spot, comme on l'appelle, un endroit précis de l'urinoir où ça réduit le splash le plus possible. OK. T'sais? Donc, l'aéroport a décidé d'aider les gens qui vont aux toilettes et réduire les splashes. Et j'imagine moins payer cher leur équipe de nettoyage parce qu'ils ont moins à récurer les toilettes, je sais pas. Donc, pour essayer de vraiment contenir le pipi dans l'endroit qui est supposé être. Donc, c'est l'aéroport Schiphol, S-C-H-I-P-H-O-L, en Allemagne. T'as pas dit que c'était Amsterdam? Un aéroport d'Amsterdam à l'image d'une mouche et ouais, l'aéroport Schiphol en Allemagne. T'as tout à fait raison. Amsterdam, c'est aux Pays-Bas, ça? Ben, Colin, oui. Le titre dit Amsterdam, mais le texte dit Allemagne. Mais la source, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'il y a toujours une source, hein, même si des fois, l'article qui va avec est mal écrit. La source nous dit que... Aux sources, ça va être chargé, mais on va vous dire. Oh, c'est quoi le nom de l'aéroport? Schiphol, S-C-H-I-P-H-O-L. Schiphol. On dirait du chipotle, ça me donne faim. Je suis pas capable de le réécrire. Je suis pas là aujourd'hui, mais... Je sais pas. S-C-H-I-P-H-O-L. Bref, on va continuer, que ce soit en Allemagne ou aux Pays-Bas, on sait que c'est pas en Amérique du Nord. Donc, la CIA aux États-Unis s'est fait prendre en train de faire quelque chose d'un petit peu inacceptable. Hein? Donc, la mission ici s'appelle Operation Midnight Climax. C'est un groupe d'agents de la CIA, qui ont eu accès à 6% du budget complet de la CIA. On leur a dit qu'ils n'allaient pas être surveillés et que les coups ne devaient pas être approuvés. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils vous voulaient. Est-ce qu'ils vous le voulaient? Vous le voulez? Est-ce qu'ils vous le voulaient? Hein? Quoi? Quoi? Donc, ils ont utilisé les fonds pour faire des expériences sur les gens en utilisant la drogue LSD. Ah, ben oui. Et d'autres drogues pour voir s'ils pouvaient utiliser ces drogues-là pour contrôler le comportement des gens en espérant que ça allait être un mécanisme de défense pour les États-Unis. Okay. Donc, ils ont installé une maison à San Francisco. Ils ont engagé des prostituées pour attirer les hommes dans ce qu'ils appelaient des safe houses. Donc, une fois que les hommes étaient à l'intérieur, on leur donnait de l'alcool avec beaucoup de LSD à l'intérieur. C'est une drogue psychédélique pour ceux qui ne savent pas. Hein? C'est pour les deux personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc, les hommes drogués avaient des relations avec ces prostituées-là. Les agents les regardaient avec un miroir, tu sais, à double sens. Tu sais, les miroirs que tu vois d'un bord et pas de l'autre. Ouais, ouais, mais ça s'appelle, là. Ouais, il y a un mot pour ça. Santin. Santin? Ting ting! C'est pas ça? Peut-être. Un miroir santin? Je n'ai aucune idée. Donc, c'est ça. Ils les regardaient faire de l'autre côté de la vitre. Ils préféraient les hommes qui étaient faciles à convaincre. Ils allaient pouvoir les utiliser pour d'autres expériences plus tard. On a plus tard ensuite révélé que certains des hommes étaient torturés en se faisant embarrer dans de petits endroits. Et certains hommes devaient même prendre du LSD 7 jours de suite. Lorsque les expériences ont finalement été arrêtées dans les années 70, tous les dossiers ont été détruits. Et on disait que le LSD était trop inconsistant pour être utilisable comme tactique contre les ennemis des États-Unis. Donc, tous ces tests-là avec 6% du budget de la CIA étaient pour rien parce que le LSD était trop instable, inconsistant. Et ben... un garçon de 15 ans en Australie, maintenant, a été diagnostiqué d'un cancer terminal. Les personnes, les enfants qui sont dans cette situation-là, qui leur reste pas beaucoup de temps à vivre, vont avoir un dernier souhait. On sait, c'est la fondation Make-A-Wish Foundation qui leur donne un dernier souhait. Donc, des souhaits communs, à part, j'imagine, « Je peux-tu pas mourir? » qui, j'imagine, est le premier souhait. Ouais. Deuxième souhait est aller à Disneyland. J'allais le dire. Oui. Sinon, rencontrer leur athlète ou vedette célébrité préférée. Ben oui. En 2001, un garçon de 15 ans n'avait qu'un seul souhait. C'était d'avoir des relations sexuelles pour la première fois. Hein? À quel âge? À l'âge de 15 ans. Ça s'en vient. C'est pas mal là que ça se passe dans les forts. Hein. Donc, il avait passé presque toute son enfance malade, malheureusement. Donc, il n'y avait pas vraiment d'amis de son âge, ni garçon ni fille, pour peut-être exaucer son souhait. Donc, les infirmières de l'hôpital ont considéré ramasser leur argent, faire un pool. Peut-être pas un pool, mais ramasser leur argent ensemble. Un pote. Excuse-moi, ouais, c'est un pote que je veux dire. Pas un pool. Je m'excuse, je veux vraiment pas faire ce genre de blague-là. C'est pas mon genre du tout. Vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai donc? Ils ont fait un pote pour lui acheter une prostituée. Mais finalement, ils se sont retirés à la dernière minute parce que peut-être qu'ils auraient perdu leur emploi. Donc, le garçon qu'on a identifié sous le nom de Jack dans les médias, parce que c'est pas son vrai nom, il voulait pas que ses parents sachent que c'était son dernier souhait. Hein. Donc, Jack avait quelques amis adultes qui, eux, se sont rassemblés. Ils ont fait un pote pour trouver, en fait, une prostituée. Et ils se sont assurés, ses amis adultes, que c'était consensuel. Consentant, ça je veux dire. Que c'était donc sécuritaire pour les deux, qu'il n'y a pas de transmission de maladie possible. Donc, Jack a pu perdre sa virginité avant de mourir une semaine plus tard. Il y a des gens qui étaient bien contents, bien heureux qu'il ait eu son dernier souhait, mais évidemment, dans les médias, on a dit que le garçon était un mineur, que la prostituée n'aurait pas dû faire ça, etc. Mais de toute façon, on s'entend que la prostitution, c'est même pas légal, anyway. Fait que tant qu'elle est illégale, c'est bien l'être deux fois plus. Bon. C'est ça. La plupart des parents hollandais vont permettre à leurs enfants d'avoir un party pyjama où il se passe des choses romantiques. Donc, la plupart des parents hollandais vont permettre à leurs enfants un romantic sleepover. Donc, les parents sont au courant que leur fils ou leur fille va avoir des relations, en fait, qu'une personne va rester chez eux toute la nuit, qu'ils vont avoir des relations sexuelles. On pourrait se dire que ça allait augmenter probablement le taux de grossesse à l'adolescence, mais non. En 2007, le nombre de naissances par une adolescente aux États-Unis était 8 fois plus élevé aux États-Unis qu'aux Pays-Bas. Et là, ben, tu sais, la différence entre Pays-Bas, Hollande, etc., c'est toute une histoire. La Hollande, c'est une province des Pays-Bas. Okay. Puis l'aéroport de tantôt, c'était Amsterdam, ça n'avait aucun lien avec l'Allemagne. Bande de. Hein? Mais merci de le rajouter par contre. Donc, la plupart des Américains cachent leur statut côté, bon, est-ce qu'ils sont vierges, est-ce qu'ils ne sont pas. Ils cachent ça de leurs parents, bien sûr. Les parents, les enfants hollandais, eux, sont encouragés à parler à leurs parents de sexe et de comment avoir du sexe ou avoir des relations sexuelles sans, évidemment, attraper de maladies ou de mauvaises choses. Donc, à la place d'avoir des relations non protégées dans le siège arrière d'une voiture, par exemple, les parents hollandais vont encourager leurs enfants à pratiquer des relations sexuelles sécuritaires dans leur propre maison, donc dans un environnement contrôlé, ce qui est vraiment la meilleure chose. C'est ça que j'allais dire, parce que dans le fond, au lieu d'être sous pour savoir ce que tu fais, t'es à la maison, t'es en sécurité, puis ben aussi, il me semble que c'est plus rassurant pour les parents, tu gardes. Il est dans sa chambre, il se passe rien de négatif dans sa chambre. C'est ça. Tu sais qu'il est pas sur le bord du chemin, et voilà. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui sait comment t'expliquer à twist dans le... Non, ton père, ça va. Donc, cela étant dit, les adolescents des Pays-Bas ou de la... mettons, le Pays-Bas, OK, tu l'as dit. Dutch, tu sais. Netherlands, c'est la Hollande. Dutch, c'est les Pays-Bas ou le contraire. C'est mêlant en français parce que c'est pas les équivalents. Or, c'est dur à comprendre. Mais bref, dans ces coins-là, ils ont l'avantage par rapport aux adolescents américains, évidemment, parce que ils ont de meilleurs accès à des médecins, etc. L'accès à la pilule, entre autres, est beaucoup plus facile là-bas. C'est pour ça qu'ils ont l'avantage, nous dit l'article. Mm-hmm. Avant le 16e siècle, la répression sexuelle était vraiment faible. On croyait même à l'époque que le sexe et les relations sexuelles pouvaient soulager certaines maladies. On disait dans le livre de Roland Jacquard, Inner Exile, que les villes avaient des bordels ouverts pour satisfaire de façon continue les besoins des gens. Dans le fond, c'était des cliniques sans rendez-vous. Exact. C'est ça. Lors de besoins. Donc, même les moines en pouvoir essayaient de ramasser de l'argent pour soutenir les bordels. Étant donné qu'il n'y avait pas de répression sexuelle, il n'y avait aussi pas de honte à être nu. Donc, les familles allaient souvent dormir nues ensemble dans le même lit, même avec leurs enfants. Ah. Et on prenait notre bain ensemble aussi nu. Ben, j'imagine. Tu dis « on ». À l'époque, c'est exclu la personne qui parle. C'est exact. Donc, on prenait son bain devant les autres nus sans avoir honte. Les mères allaient même, et ça, on a déjà parlé de ça dans une précédente chronique qui s'excitait, mais les mères allaient, et les gardiennes, les babysitters, allaient même masturber les enfants pour les soulager. C'est différent. De leurs pleurs et tout. Donc, étant donné que tout ça était très, très ouvert, les enfants étaient plus curieux aussi par rapport aux relations sexuelles et posaient des questions très tôt dans leur vie. Et les parents et les voisins même leur expliquaient ce qu'il en est. Il n'y avait pas de problème jusqu'à l'âge de, je ne sais pas quoi, 10-12 ans. Les fleurs et les abeilles, et les, c'est genre... taponnage. Le taponnage, le tournage autour du pot. Alors que tu fais juste t'insérer dans le pot. Le nombre de roses que tu donnes à ton copain, ta copine, le nombre a une signification. C'est ça. Ah oui, je savais que la couleur avait une signification. Est-ce que tu les connais un peu par cœur ou une d'entre elles ou deux? Je pourrais t'en dire trois. Oh, cool! Rouge, c'est l'amour. Okay. La rose, c'est l'amitié. Okay. Et la jaune, c'est la jalousie. Oh! Jaune les de jalousie. Je sais pas. Ben, quand, hein? Le nombre de roses est aussi important. Il y a un code derrière ça, apparemment. Donc, exemple, une rose lors d'un premier rendez-vous, ça veut dire l'amour au premier regard, à la première vue. Ah. Ensuite, trois roses, c'est l'amour partagé entre un couple. C'est traditionnellement un cadeau d'anniversaire après un mois de fréquentation. Un mois égale trois roses. Neuf roses, ça veut dire on va être ensemble pour toujours. 9 roses. 12 roses, ça veut dire soit à moi, be mine, soit à la mienne. Genre, je te choisis. 15 roses, ça veut dire je m'excuse. Et 24 roses, je suis à toi. Puis 48, je t'ai trompé. N'en parlons plus. Un troc l'autre, ça veut dire. Donc, vous pouvez aller voir la source sur assemblagerequis.com pour la liste au complet. Les gens intelligents ont moins de chance. Et là, la phrase est vraiment mal dite. Les gens intelligents ont moins de chances d'avoir des relations sexuelles. Ce qui est complètement faux, là. Évidemment, c'est du sensationnalisme. Dans le titre, explorons le sujet. Il y a peut-être une corrélation entre les notes à l'école de quelqu'un et le délai qui mène vers l'activité sexuelle avec une autre personne. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Okay. Donc, une étude nous apprend que les étudiants d'école secondaire avec un très haut quotient intellectuel ou encore un très faible quotient intellectuel avaient moins de chances de perdre leur virginité pendant leurs années secondaires, donc leurs années à l'école secondaire. Les étudiants qui sont dans la moyenne de l'intelligence avaient plus de chances de perdre leur virginité en premier. Mais c'est pas seulement limité aux relations sexuelles. Ces études-là incluent aussi se tenir la main et s'embrasser à la française. French kiss. Ça va même jusqu'à courtiser une autre personne. Mm-hmm. Juste courtiser. Par exemple, si un adolescent avait un quotient intellectuel d'environ 100, ils avaient 1,5 à 5 fois plus de chances de perdre leur virginité qu'un autre adolescent qui avait un pointage, un score entre 120 et 130 sur leur test de quotient. On sait tous les tests de quotient, c'est il y a un débat autour de ça sur la véracité. Quel mot que je cherchais, tu penses? Véritabilité. Un veritas, ce que je cherchais. Ouais, c'est ça, in vino veritas. Et voilà, elle. Pluribus salus. Donc, ces statistiques-là vont aussi jusqu'au niveau collégial. À l'âge de 19 ans, 75 à 80% des Américains ont eu des relations sexuelles. Par contre, lorsqu'on regarde les universités qu'on appelle Ivy League, donc un petit peu plus élevées en termes d'intelligence, j'imagine, ou en tout cas d'offres de cours, les statistiques restent vraies. Seulement 65% des étudiants du MIT ont eu des relations sexuelles et seulement 56% des étudiants de Princeton University avaient eu des relations sexuelles lors du sondage. Enfin. Wow! Ouais. À l'Halloween, la Virginie-Occidentale va ramasser tous les potentiels dépravés de la vie, les sex offenders. À chaque fois qu'on en parle, je me rappelle jamais du nom. Sex offenders, c'est les... Ouais. Bref, ceux qui sont accusés d'avoir peut-être eu des comportements illicites envers des personnes qui ne devraient pas avoir des comportements illicites envers. Donc, au mois d'octobre, les sex offenders, il y a vraiment un nom pour ça, on va le trouver d'ici la fin, j'imagine, en Virginie-Occidentale, reçoivent une lettre de la part des officiers de l'État leur demandant de tous aller se rencontrer à la cour. Là, on parle d'une cour de la loi. Lors des heures habituelles de trick or treat, donc on passe l'Halloween, des bonbons ou des, c'est quoi en français, des bonbons ou des bêtises, je sais pas trop quoi. Là. Bref, pendant cette période-là, les sex offenders doivent être en même temps au même endroit en Virginie-Occidentale. Le State Department of Corrections, donc le département des corrections, ceux qui cotent vos papiers et vos devoirs, donc envoient ces lettres-là à ces personnes-là qui ont besoin de supervision. Donc, si jamais une de ces personnes-là n'est pas capable de quitter sa maison, les policiers vont passer à sa maison à des heures en particulier, des heures particulières, donc à intervalles réguliers, pour s'assurer que les lumières de leur maison sont éteintes et que personne réponde à la porte s'il y a des enfants qui se présentent. Donc, ces gens-là peuvent se servir de leur temps lors de l'Halloween à la cour pour peut-être participer à des ateliers, discuter de leurs expériences de réhabilitation, etc. Mm-hmm. Peut-être pas de leurs expériences. Donc, les personnes qui sont réhabilitées ensuite, vont souvent venir à la cour pour parler avec les autres qui se sont, dans le fond, ceux qui sont réhabilités vont parler avec ceux qui ne sont pas encore réhabilités pour essayer de les encourager là-dedans. Enfin, mm-hmm. Faut pas trouver sex offenders, hein, c'est trop difficile à trouver en français. Ben non, mais c'est pas juste comme un abuseur sexuel, genre. Ben, ouais, mais tu sais, il n'y a pas nécessairement abusé. Un potentiel... Un dépravé. Donc, ce qu'on appelle en anglais... Et là, il y a beaucoup de termes en anglais. Et vous comprendrez que c'est pas super important... Oui, c'est super important de trouver le terme en français. Je sais, mais c'est pas super important de l'avoir là. Vous l'aurez plus tard. La refractory period, quand tu finis une relation sexuelle, t'as une période à attendre avant d'en avoir une autre chez l'homme, habituellement. C'est une période réfractaire. Voilà. Donc, c'est un terme qui est utilisé pour décrire cette phase-là après un orgasme, où c'est physiologiquement impossible pour un homme d'avoir un autre orgasme immédiatement après. Cela étant dit, certains hommes n'ont pas de période réfractaire. On a déjà parlé de ça en bref dans King Sexy Time à un moment donné, mais ces gens-là peuvent avoir plusieurs orgasmes pendant une seule session de sexe. Certaines périodes réfractaires peuvent prendre plusieurs minutes, d'autres peuvent prendre plusieurs jours. Ça, je savais pas. Oh! Donc, un facteur majeur de la durée d'une période réfractaire chez l'homme a à voir avec son âge. Un homme de 18 ans a en moyenne besoin de 15 minutes pour s'en remettre. Ouais, gros max. Alors qu'un homme de 70 ans peut avoir besoin de jusqu'à 20 heures. Uh-huh. En fait, ça dit pas jusqu'à, ça dit autour de 20 heures, donc ça peut être plus. Pendant cette période-là, les hommes sont incapables de maintenir une érection et pourraient même être désintéressés ou inintéressés ou pas intéressés pendant tout par l'activité sexuelle. En fait, leur appareil génital pourrait même être hypersensible et une stimulation sexuelle pourrait être douloureuse pendant cette période-là, uh-huh. pour certains hommes. La plupart des femmes n'ont pas de période réfractaire. Je pense que c'est un fait assez bien connu. C'est pour ça qu'elles sont capables d'avoir plusieurs orgasmes pendant une relation sexuelle. Vive les femmes! Vive les femmes, vous gagnez un point pour vous autres. C'est donc 1 à 0. On a commencé ça, Ken. Ben là, là. C'est nouveau comme jeu. Tu savais-tu que, Steph, tu pourrais te casser le pénis? Moi, je peux pas me casser le pénis. Okay, donc t'as pas de pénis? Non. Parce que ça fait longtemps que je voulais être sûr. De... C'est pour ça que tu posais la question détournée. À chaque fois, c'est ça. Donc, tu peux, la personne qui a un pénis peut se le casser. Fracture du pénis. On a déjà parlé encore une fois. Oui, en oui. Bref, parlons-en plus en large et en long et en profond. Pendant l'érection, donc le pénis est rempli de sang. Bien sûr. On savait ça. Donc, si le pénis est plié de façon soudaine ou avec force lorsqu'il est rempli de son sang, un traumatisme pourrait casser le corps caverneux. Colin, qu'une chance que t'es là. Le corps caverneux d'un ou deux des cylindres du pénis. Donc, le corpus cavernosum, comme tu l'as dit. C'est ça. Corpus cavernosum, el pluribus anus. Donc, responsable pour les érections. Donc, ça va mener vers une fracture du pénis. Bref. Donc, le traumatisme est souvent relié à des relations sexuelles acrobatiques ou agressives. Ou dans certains cas, évidemment, la masturbation agressive. Je pense que c'est évident aussi. Donc, une fracture du pénis est évidemment une blessure douloureuse, souvent accompagnée d'un bruit, de craquement. Suivi immédiatement d'un bleu sombre, bleu foncé. Saignement aussi. Et du sang qui peut sortir des cylindres par l'orifice. Ça doit être traumatisant. En effet. Dans certains cas, donc, c'est la suite de ce que j'étais en train de dire, que oui, en effet, l'urine. En fait, le tube, le tuyau, le cylindre, qui draine l'urine à partir du corps, donc on appelle ça l'urette, urethra en anglais, peut être endommagé et le sang pourrait être visible à l'ouverture de l'engin masculin. Mais normalement, ce que j'en comprends en lisant l'article, c'est que ça ne devrait pas couler le sang. On devrait juste voir un peu de sang. Genre, si je le comprends bien. Pour être visible à travers l'ouverture du pénis. Visible à travers l'ouverture ne veut pas dire que ça va couler à flot. Là. Donc, on ne sera pas un shooter. Moi, ce que j'ai vu de l'émission, que c'est arrivé, il y a du... il était chez sa copine. Il est obligé d'utiliser une serviette sanitaire, une serviette hygiénique, pardon, pour panser la plaie et aller à l'hôpital. Pour penser à appeler le 911. C'est ça! As-tu un crayon? Non. T'as juste à... Penser la plaie. Désolé de vous faire ça en nom. Bon, on continue avec un homme au Nigeria. Niger. Qui est mort après avoir eu trop de relations sexuelles. C'est un homme d'affaires riche, mari de 6 femmes. C'est comme là-bas. Donc, avait présumément été forcé à avoir une session de sexe. Ah, et pauvre petit pute. Format marathon avec ses femmes jalouses. Donc, Uroko Onoha avait des relations sexuelles avec la plus jeune de ses femmes. Évidemment, j'imagine qu'il prenait le temps la plus jeune. Quand elle avait une nouvelle, elle prenait la position de l'autre. Ouais. Comme les outardes qui volent en V, là. Elles sont fatiguées, s'en vont en arrière. Oui, ou la station de télé V. Ou pas. Qui fait juste de la merde. Non, c'est OK, là, je sais plus où m'en aller avec ça. Non, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi comme gag, mais j'ai dit des oiseaux qui chient partout. OK. Bon, donc, Uroko... Oh, je vais arrêter. Uroko, d'accord. Donc, il avait des relations avec la plus jeune de ses femmes. OK. Les 5 autres regardaient. Et là, sont arrivés avec des couteaux. Et des bâtons. Ils ont demandé d'avoir des relations sexuelles avec... à ce qu'il ait des relations sexuelles avec chacune d'entre elles. Donc, M. Onoha a commencé à avoir des relations avec 4 de ses femmes en succession, l'une après l'autre, mais a arrêté de respirer à la 5e, alors que la 5e était en train de s'en venir vers le lit. Ça se passe à Obadibo, selon le Daily Post du Nigeria. Donc, l'homme d'affaires qui était décrit comme un philanthrope qui avait contribué positivement à sa communauté locale. Donc, il aurait résisté aux demandes de ses femmes avant d'être, dans le fond, trop faible pour... Voyons donc. Pour se laisser... Non, pas trop faible. Mauvaise façon de dire. Mais bref, il a finalement accepté de le faire. Ouais. C'est ça. Ensuite, au-dessus de la moitié des étudiants de collège et d'université ont embrassé quelqu'un d'autre pendant qu'ils étaient en relation monogamie, si on veut. Donc, l'infidélité est quand même assez populaire au cégep et à l'université aux États-Unis. Donc, évidemment, on sait que tromper son amoureux, son amoureuse, c'est quelque chose de complètement subjectif. Là. Ça peut être baisé, ça peut être relation sexuelle. Ouais, non, c'est ça. Il y a personne qui définit ça de la même façon, mais ça peut être plein de choses. Lorsqu'ils sont en relation monogame, 49% des étudiants au niveau collégial et universitaire ont eu des relations avec quelqu'un d'autre. 68% ont embrassé quelqu'un d'autre. Pour les femmes, le pourcentage, c'est 31%. Donc, pour... qui ont des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre et 61% qui avaient embrassé quelqu'un d'autre. Donc, on dit soit qu'on est très ouvert d'esprit ou bien on n'est pas rendu à quelque chose de stable, j'imagine. Ouais. J'imagine. Pas rendu là. Au Royaume-Uni et en Australie, on n'accepte pas l'existence de l'éjaculation féminine. N'existe pas. Hein? L'éjaculation féminine, squirting. Où ça? Au Royaume-Uni et en Australie, la définition, on n'accepte pas le fait que de non, mais c'est ça. Il y a des gens qui disent que ça existe, mais côté loi, ça n'existe pas. Mais non, mettez-vous la tête dans le sable tant qu'à ça. Ben voilà. Donc, on appelle ça communément, comme je disais, du squirting. L'éjaculation féminine n'est pas... Donc, les gouvernements... Allons-y avec la prochaine phrase, plus facile. Les gouvernements donc, du Royaume-Uni et de l'Australie n'acceptent pas le fait que ça existe. Au Royaume-Uni, le British Film Board... British Board of Film Classification, le BBFC, a banni les films qui montrent l'éjaculation féminine parce qu'ils disent que c'est de l'urine. Ouais. Eux, ils sont convaincus que c'est de l'urine. Donc, l'urination pendant les relations sexuelles au Royaume-Uni, c'est considéré comme obscène. Donc, c'est listé dans la loi britannique comme quelque chose d'obscène, et étant donné que l'éjaculation féminine est considérée comme de l'urine, ben voilà. Donc, ça a été même en 2010 prouvé, en fait, ça a été utilisé comme argument. Donc, en 2010, la BBFC a refusé de permettre la publication d'un DVD nommé Women Love Porn parce qu'il y avait une scène où une femme squirtait. Donc, ils ont décidé que l'éjaculation féminine n'existait pas et que leur position allait rester fondamentalement la même dans le futur. Ça ne changera pas, qu'ils disent. Ben voyons donc. Quelque chose. Il y a certaines parties de la Colombie où c'est normal pour les jeunes garçons d'avoir des relations avec des ânes. On a déjà frôlé le sujet à un moment donné, je me rappelle, mais la culture... Il y a des différences d'ouverture d'esprit, hein? Oui, d'ouverture d'esprit aussi. Tu passes de « Ah, oh, l'éjaculation féminine n'existe pas » à « Ah non, il n'y a rien là. » Donc, la culture du peuple colombien est un petit peu contraire à la nôtre, disons. Donc, la copulation entre l'homme et la bête... pour plusieurs Colombiens dans les endroits ruraux, par exemple Santa Marta, c'est pratique là-bas dans le nord du pays pour les adolescents d'avoir des relations sexuelles avec des ânes, mais pas, c'est pas juste une affaire qu'on fait une fois. C'est pas un rite de passage. Il y en a qui pourraient dire bon, c'est parce que pour devenir un homme, il faut que tu aies des relations avec un âne. Ouais. Ça peut être ça, mais c'est pas ça. Ou c'est une entrée à l'université. Si t'appelles ton âne à l'université. Une initiation. Je vais rentrer à l'université. Donc, c'est plus un substitut pour la masturbation. En fait, les jeunes garçons, on s'attend à ce qu'ils fassent ça. C'est leur père qui leur dit ça. Quand ils arrivent à un certain âge, qu'ils devraient pas, leur père leur dise « Tu devrais pas avoir de relation avec des chiens parce qu'ils pourraient attraper une maladie. Tu devrais pas avoir de relation avec des poulets parce que le poulet va mourir après. » Donc, faut pas faire ça. Mais les ânes, tout va bien. Donc, des relations avec des ânes, c'est comme ça que ça se passe. On ne fait qu'exposer le fait. Ouais. Non, c'est ça, les poulets, c'est trop petit. Ben oui. Un petit peu de sauce à gras douce. Pané. Oui. Ou avec la tristesse post-coït, ils sont peinés, les poulets. Ils sont tristes d'avoir fini. Ouais. Ensuite, on va y aller avec celui-là, tiens. Je pense que c'est connu quand même par plusieurs, mais pour ceux qui ne savent pas, savais-tu que le mot pénis, ça veut dire queue en latin? Est-ce que tu savais ça? Non. Non, ben c'est vrai. Peut-être, mais non. Donc, le pénis est fait principalement de tissu érectile. Lorsque le pénis va en érection, ça devient un organe sexuel et ça relâche du sperme chez la femelle ou chez la femme pour créer un bébé. Je pense que ça, on sait tous ça. Ouais, à date, ça va. À date, ça va bien côté biologie, mais côté étymologie. Donc, c'est une origine, bien sûr, et ça revient au latin qui veut dire queue. C'est tout. C'était vraiment le bloc basic ben oui. De King Sexy Time, il en faut des fois. Les Kegels, on a déjà parlé de Kegels la semaine passée ou la deux semaines. De Kegel Exercises, comment t'appelles ça? Genre, c'est faire des exercices de... Ah oui, le plancher pelvien, là, c'est ça? Le plancher pelvien est exactement l'expression que je cherchais. Donc, l'exercice du plancher pelvien, qu'on appelle aussi Kegel, c'est de la contraction et la relaxation des muscles qui forment le plancher, donc pelvien. On appelle ça aussi les muscles du Kegel de nos jours, étant donné que l'exercice s'appelle comme ça, on a rétroactivement renommé les muscles de Kegel. Pardon. Il y a plusieurs outils pour aider dans ces exercices-là, d'ailleurs. Les exercices qui sont souvent faits pour réduire l'incontinence urinaire, particulièrement après avoir donné naissance à un enfant. C'est aussi pour réduire l'éjaculation précoce chez l'homme, et aussi pour augmenter l'intensité et la grandeur, ou j'imagine la longueur. Je pense que ça doit être la longueur et l'intensité des érections. Apparemment que ça aide là-dessus aussi. Uh-huh. Donc, le but des exercices de Kegel, c'est d'améliorer les muscles en renforçant les muscles pubo-coccygeus du plancher. C'est bien. C'est des termes en anglais, je dis pas fort, puis je me dis comme ça, on les entendra pas. Attends. Pubo-coccygien. C'est ça en français, c'est vrai. Un peu plus beau. Pubo-coccygeus, comment faire les exercices. Ah, bon, mais ça met ça. Même en français, tu vois, c'est pour ça que je traduis pas, c'est top d'affaires. Il y a pubo-tech aussi. Le plus beau moment de ma vie. C'est une toune de Jeanette Renaud. Je pense que oui, c'est ça. Il y a un poivron en forme de pénis qui est natif du Texas, ça veut dire ça. On va terminer là-dessus, en fait. C'est le Peter Pepper. Peter comme un surnom pour un engin masculin, d'ailleurs. Donc, le Peter Pepper, c'est un poivron, chili pepper, qui est connu pour sa forme vraiment inhabituelle. Donc, c'est un poivron qui est considéré comme très rare. Son origine est inconnue. C'est surtout, ça pousse surtout dans l'est du Texas et en Louisiane, mais il pousse aussi au Mexique. Ça a été popularisé pour la première fois aux États-Unis par Frank X. Tolbert au Dallas Morning News, dans un journal. Il avait fait donc l'historique de trucs locaux obscurs. Et ça en faisait partie. C'est de là que c'est devenu populaire. Depuis cette époque-là, ça a été étudié par les experts en horticulture de l'Université du Texas à Austin et à la Louisiana State University. Même si c'est rare, ces graines sont disponibles pour au privé. Donc, on peut les acheter pour les faire pousser, c'est-à-dire pour utilisation privée, pour certains fournisseurs privés. Bon, je ne sais pas si c'est dans le monde de monsieur, madame, tout le monde. Si on peut s'en ben, écoute, justement, je cherchais des graines de piment sur eBay et je suis tombée sur cette variété-là. Wow! Et ça a vraiment l'air... Trois douzaines, buy it now. Non, mais c'est vrai, ça a vraiment l'air comme d'un bout qu'on décalote. C'est qu'il y a son col tout. Mais oui! Un petit col! Il n'est pas circoncis. Non! On a exporté ça d'ailleurs en Asie, dans certains pays asiatiques, dont la Corée du Sud, et c'est adapté ou adaptable à plusieurs variétés de conditions. Ça peut pousser dans plusieurs environnements. Donc, c'est le Peter Pepper. Je pense que je vais m'essayer. Buy it now! Faire pousser ça. Voilà pour Kinky Sexy Time. On continue avec d'autres musiques. En fait, je pense qu'on était... Ouais, non, c'est ça, on vient avec la musique. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve. On vient avec une nouvelle entrée du palmarès dans ce moment. Et en fait, c'est une exclusivité parce que le nouveau palmarès est commencé, mais on l'a pas encore diffusé. Oh, OK! C'est vrai. Donc, ça va être ce qui va être en onde à partir de la semaine prochaine. On s'en va entendre The Devin Cuddy Band. OK. Devin Cuddy Band. Sa pièce, ou la pièce du band, en fait, oui, donc sa pièce, elle s'appelle 44. C'est sur l'album Kitchen Knife. Couteau de cuisine, toi. Ah! Ça m'interpelle. Ouais, 44. Devin Cuddy. I think I've seen your face hanging around my door. I know you, stranger, I don't wanna see you no more. You better run to the prairies, you better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Hey little darling, was he better than me? Hey little darling, you'll see how dead he can be. He better run to the mountains, he better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Did he treat you well, or did he treat you kind? For this darling, oh, I sure I'll do some time. Oh, you better tell him, baby, gas all up his car. You better tell him, oh, he better drive far. He better drive to the ocean. He better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Sometime, oh, you better tell him, oh, the gas on up his car. You better tell him, oh, he better drive far. He better run to the ocean. He better run, run, run. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Before I get my 44 caliber gun. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours Assemblage Requis, c'est l'émission en pièces détachées. C'est notre dernière semaine de la session estivale. Dernière fois qu'on est l'après-midi. Stéphanie Paradis, toi. Mais oui, Mathieu Plante, toi. On va être de retour au matin à partir du 1er septembre. On est en direct à partir du 2, mais on vous dira tous les détails plus tard. Mais sachez que lundi au jeudi, 6h30 à 9h30, ce sera Assemblage Requis, comme toujours. Avant de continuer, étant donné qu'on a fait beaucoup, beaucoup de blablabla, je me suis dit deux petites chansons de suite. Ce serait pas trop. Ben non. On la chante-tu, l'autre? Non, c'est pas nous autres. On la connaît pas encore. Ah. Non, c'est une nouvelle pièce de Orange O'Clock. Il est Orange et Quart, mettons en français. Orange O'Clock. C'est bon. Ouais. Voici Belly Button. C'est les nombrils. Comme disent les maudits français. Mais bonjour à vous si vous arrivez sur le campus. On vous aime. Et on rit de vous. Mais avec... Every day, she's trotting her stuff on the streets for money. Rope is tightening up and it's harder to breathe. Juggling with fire, only 18. She's young but begs to be older. She's living high and drunk, rock and roll. Tequila, blankets, and packs of Marlboros. Down and on. She ain't got tears to cry. She's exhausted and weak. C'était nos amis de Orange O'Clock avec leur pièce Belly Button. C'est sur un album qui vient tout juste de sortir parce que je l'ai entre mes mains. C'était bon! C'est très bon. L'album, c'est Crazy Carnival. C'est beau. Oui. Je me serais attendu à du orange. C'est bizarre, hein? J'avoue, hein, mais ils voulaient pas le cliché. T'sais. Même le rond de couleur, le seul spot de couleur est rouge. Bravo. C'est en haut de la pochette, le reste est en noir et blanc. Et l'intérieur, si tu veux avoir un certain mal de tête, là, c'est comme la roulette qui tourne. Oh, c'est qui... psychédélique. Pour endormir les gens qu'on voit souvent dans les cirques, entre autres, carnaval. Voilà. Nous voilà rendus à dépenser notre argent, un peu comme un enfant qui irait à une foire. Oui. T'sais, il dépenserait sur des petits jeux qui donnent rien puis qui ne permettent jamais de gagner nous. Puis des bonbons. Puis des bonbons. Des beignes aussi. Mais des rôles d'œufs. Des rôles d'œufs. Mais ça va quasiment avoir un lien parce qu'on parle d'affaires à manger. Dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. J'ai faim. Si ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des choses à acheter sur Internet. Sur le www. Un peu comme c'est un fait, c'est du www pour vérifier, véritable et vérifiable. Nous, c'est du www pour... Wow! What web. Ça, c'est une chronique au Mathieu Planchot, ça. Hey! Tu l'as retenu? Tu l'as retenu? Hein? On dirait une auditrice fidèle. Pas à tout. À s'y méprendre, exact. Donc, commençons tout de suite avec un bloc thématique sur la nourriture. Steph, c'est juste pour toi encore. Oh, j'ai faim, arrête-moi ça. Ben non, je commence, en fait. Ah. On a parlé la semaine passée d'un couteau à beurre qui prenait la chaleur de ton corps pour couper ton beurre. Tu te rappelles de ça? Oui. Bon. Ben, c'est pas le même principe. En fait, c'est une autre sorte d'innovation. Fait que là, on parle d'une cuillère. Non, aucun lien. Une cuillère à beurre, non. C'est un couteau, en fait, avec des dents sur le côté, mais des dents particulières qui font un genre de grater, un peu comme du fromage très râpé. Ah. On va un peu râper le fromage. Tu vois, il y a un petit gif animé dans l'article. Le couteau fait des lanières, des lamelles, des juliennes de beurre. Et après ça, quand tu le mets sur ton pain, étant donné que le beurre est aéré de tous les côtés, ben c'est plus facile de le faire fondre. Tu comprends? C'est pas un pain. Un peu comme dans le micro-ondes quand tu vas séparer ta nourriture ou dans le poêle quand tu vas séparer tes frites. Ça va cuire plus uniformément. C'est génial. Quand il est trop froid, t'as un gros mouton qui fond pas. Là, ça te fait des belles petites slices. Moi, je suis convaincu que même si le beurre est relativement froid, étant donné que tu le lamelles comme ça, il va vraiment bien fondre. C'est le Stupendous Splendiferous Butter Up qui ramasse de l'argent sur Kickstarter. Vous savez, jusqu'au 2 septembre, les prix débutent à 15 000 $. La cible a été pulvérisée. Ils demandaient 100 000 $ sur Kickstarter. Ils sont rendus à 300 000 $. Oh. En fait, le but était de 38 000. Je sais pas pourquoi l'article disait 100 000, mais bref, c'est vraiment énormément. C'est comme 10 fois plus, ce genre. Pas tant. Hey, j'en veux un. As-tu vu le beau petit pain de miche? Comment il a l'air bon? Je sais pas, il est à quoi, là, mais ah ouais, dans ma bouche. Ouais. Avec du beurre. Avec du beurre. Le meilleur. Ensuite de ça, tiens, on va y aller avec on reste dans le domaine du beurre, en fait. On reste dans le domaine du beurre. Pour faire fondre son beurre qui est bien froid, on a besoin peut-être de faire un... comment est-ce qu'on appelle ça en français? En fait, je pense qu'on l'appelle de la même façon en anglais et en français. Je me rappelle juste pas du nom. Tu sais, faire un bain-marie. Oui. Ça l'est tout là. Donc, un bain-marie pour faire tremper son beurre. C'est un beurrier, comme vous le voyez sur assemblagerequis.com. Il y a un lien vers l'article au complet. C'est un beurrier en deux parties. Donc, tu as le bassin et tu as le socle à beurre sur le dessus. Et tu as le petit couvercle à ajouter par-dessus. Voilà. Mm-hmm. Donc, ça s'appelle Butter Bells. Un peu comme une cloche à gâteau. Donc, Butter Bells. Ça vous permet de radoucir ou de ramollir votre beurre jusqu'à la température pièce. Donc tu places de l'eau froide dans la base, tu mets le couvercle dessus, la surface du beurre est sous l'eau, l'empêchant de s'exposer à l'air. L'eau et la céramique vont rester froides et le tout va rester assez mou pour être... dans le fond, ce ne sera pas par le chaud, si je comprends bien. C'est bizarre, hein? C'est ça, c'est que c'est le froid qui va faire que ça va rester assez mou pour être tartiné sans être chaud. Il faut remplacer l'eau à chaque quelques jours pour garder tout ça au frais. Ah, oh, OK, je comprends. Moi, je suis pas sûr dans de comprendre. Dans le fond, tu mets pas ton beurre dans le frigo. Ah, sur le comptoir! C'est ça, c'est que tu laisses ton beurre dans l'eau fraîche. Ouais. Fait qu'il va pas comme sûrir, mm-hmm. Puis il va rester juste à la bonne texture pour être tartiné n'importe quand. Ah, ben, come on, c'est fantastique, ça. Ça, c'est le fun. Une fois qu'on a compris, là, c'est vraiment cool. Et encore une fois, je vais le dire à chaque chronique dorénavant pour toujours, une chance que tu es là, qu'est-ce que je ferais sans toi. Ça, on a parlé de la Butter Bell, mais il y a aussi le Butter Boat. C'est que tu places le doigt de beurre dans le bol du haut, tu places de l'eau froide dans le bol du bas, et le bol du haut et le beurre vont rester au frais. Donc, c'est pas trop froid, donc le beurre reste quand même mou, et le couvercle... garde le beurre bien couvert. Donc, je ne sais pas si c'est une question de couvercle ou de format entre la cloche et le bateau, mais ça ressemble, ça a l'air assez similaire comme fonctionnement, je trouve. Il faut aussi remplacer l'eau à chaque quelques jours. C'est beau. C'est très joli. C'est cute. Une vingtaine de dollars. Donc, il y a plusieurs types de Butter Bells. 10 $ pour la version Nord Pro, 22 $ pour le vrai Butter Bell et environ 35 $ pour le creuset. Les Butter Boats coûtent 20 $. Si vous allez voir les photos, là, c'est, je crois, juste la forme qui change. Peut-être, oui. D'après moi. Ensuite, on reste en nourriture dans notre bloc thématique. On veut faire de la crème glacée. L'été, il fait encore chaud en ce moment. On est bien chanceux. Donc, le Cookball Ice Cream Maker, c'est comme une machine à fabriquer de la crème glacée, sauf qu'à la place, c'est couvert de caoutchouc pour pouvoir botter littéralement comme un ballon dans la pièce. Donc, vous remplissez ça, le compartiment de crème, sucre, vanille, glace et d'autres ingrédients comme ça. Il y a du sel là-dedans, je crois, aussi. Et on commence à botter le ballon dans la pièce. On peut le faire rouler aussi. Ouais, mais ça, c'est le fun si t'aimes jouer. Mais ben si tu veux juste t'effoirer devant la TV, c'est du travail. Ben, c'est ça. Mais au moins, tu vas pas avoir à aller payer le quintuple, dodécaduple du prix dans une boutique de crème glacée. Oui, mais tu peux en acheter des sorbetières. Tu peux faire de la crème glacée chez vous. Assez facilement? Sur le comptoir avec une machine. Assez facilement. Assez, mettons, pour moi, maintenant. Ah oui, tu sacs ton mélange dans la machine. Préfet. Ben non, faut que tu fasses ton mélange. Mais là-dedans aussi, il faut que tu fasses ton mélange, Mathieu. Faut mettre un sale. Ouais, t'as raison. Mais tout en même plus, faut que t'aies à kick. Non, en plus. Est-ce que tu peux faire du hacky sack avec ça? Je ne sais pas. Donc, après environ 20 minutes de jeu, vous êtes prêts pour de la crème glacée. Donc, c'est le temps que ça prend. Voilà. Je veux le prix de ça, moi, pour ce ballon-là. Et le nom du produit. Tu jouerais au ballon à glace? Non. c'est en stock en ce moment pour 35$. Ça s'appelle le Kickball Ice Cream Maker. J'espère que c'est fermé très hermétique. Les bottes. Si tu le bottes, puis... splouche. splouche. Parlons de chimie un petit peu à côté. Nourriture, pas chimique, mais en forme de trucs chimiques. C'est pour faire des concoctions, concocter des breuvages alcoolisés. C'est le Shaken Chemist Cocktail Set. Oh. C'est un ensemble pour mélanger de la boisson qui ressemble à quelque chose qui sort de laboratoire de chimie. C'est cool. Oui. Ça inclut un litre, une flasque d'un litre de laboratoire. Il y a un bouchon de liège pour empêcher les dégâts. Et un petit guide de recettes cocktail. Donc, c'est vraiment... c'est pas une Erlène meilleure comme on connaît, là. C'est quoi, c'est le nom de celui-là? C'est plus rond, là. Aucune idée. Ouais. C'est une boule avec un... avec d'autres choses, hein, avec un petit bout qui sort sur le dessus. C'est là. Ça, là. C'est une boule, là. On dirait un micro viré à l'envers, là. Donc, ou n'importe quoi qui ressemble à ça. Donc, c'est le kit du parfait chimiste. Est-ce que ça vient avec le sarreau et les gants? Malheureusement, ça me le précise pas, donc j'imagine que non. Dommage. J'imagine que non. Il va falloir faire votre propre costume d'Halloween, autrement que ça. Mais j'avoue que pour un truc d'Halloween, avec son alcool dans une petite fiole de même, ben oui. Pas fiole, on sait que c'est pas ça le mot. Ah ouais, servez-vous de votre imagination. Bref, ensuite, quand tu veux boire sur la route, toujours intéressant, boire sur la route. Ouais, hein? ouais. Mettez en vélo. Fait ça. Ah ouais, ça va pas bien. Ben hein? Non, t'es obligé de tenir le volant. Eh bah. Le guidon qu'on appelle. Ou sinon tu veux, ouais c'est ça. Ou sinon tu veux aller chez quelqu'un boire, mais t'as à amener la bière. C'est un bring your own beer. Hein? Ouais. Bon, donc c'est un petit caddie à bière pour transporter un six pack. Hein? Donc vous avez juste besoin de votre vélo. C'est fait de cuir, c'est super joli. Ça ressemble à un, ben en fait vu que c'est en cuir, ça ressemble à un truc pour peut-être tenir son fusil ou des grenades ou quelque chose comme ça. Moi, ça me fait penser au truc dans lequel on mettait les cruches de lait en verre à l'époque. Tellement. Tu sais, à notre époque. Là. Oui, dans mon temps, dans mon jeune temps. Mais c'est très sexiste, par exemple, parce que c'est accroché sur la barre centrale du vélo. Bon. Et toi, ça serait une pente vu que t'es une fille, c'est ça? C'est ça. Et voilà. Fait que je pourrais pas l'accrocher. Ben non. Fait ben que non. Je m'excuse, mais les femmes boivent aussi. Non, mais là, c'est pas de la faute du créateur du rack si le vélo est pas fait pour tenir ça, là. Mais j'étais obligé de m'acheter un vélo pour gars. Ben oui, ah, de toute façon, j'ai pas de vélo, c'est vrai. Ah, de toute façon. donc, c'est fait de cuir. Et en plus, en tout cas, sur la photo, c'est difficile à voir, mais je crois voir des snaps. Et oui, des je snaps crois que oui. Sur du cuir, des snaps, c'est essentiel. Ça coûte 60$ sur Amazon, dollars américains. C'est super beau. Oui, très joli. Ensuite, toujours dans le bloc de nourriture, c'est une salle de bain fabriquée à partir de chocolat. Ça vaut 9,4 millions de calories, pardon, pas de dollars, de calories. Non, en fait, ça, c'est le titre de l'article. Je dis n'importe quoi. Donc, le bidet vaut 11 700$. Le lavabo, 15 000$. La toilette, 23 400$. Et le bain, 83 100$. Check-moi bien rentrer dans mon investissement. Donc, c'est le chocolatier du Royaume-Uni. Chuchiwuchidura et bathrooms.com qui ont créé cette toilette, bidet, lavabo et bain entièrement fait de chocolat belge. Donc, tout ça contient... Alors, je disais pas n'importe quoi, c'est vraiment vrai. C'est des articles humoristiques, des fois. C'est vraiment 9,4 millions de calories. Et ça coûte 133 000$ en général. Voilà. C'est cool, hein? Je sais pas. Écoute, j'aurais peut-être une petite réticence à manger la toilette et le bidet. Ah, je sais pas, hein? Et quand il fait chaud l'été, quand tu fais du muscle facial. Je suis pas sûr que tu peux l'utiliser finalement. Peut-être pas. Donc c'est chez bathrooms.com, comme on a dit, c'était leur suite de salle de bain de la lignée Moderno. C'était initialement pour s'amuser, mais ils ont réalisé que c'était possible de le faire. Et ils ont listé le produit sur bathroomsuites.com. Wow. Allez voir les photos sur assemblagehockey.com. Une spatule pour le barbecue, mais avec une petite lumière, une lampe de poche. Ah, faire du barbecue dans le noir. Pourquoi pas, après le bain de minuit, hein? Le barbecue de minuit. Et voilà, le BBBQ. Le Midnight Barbie. Et bon, bon. 22,95$ en ce moment pour améliorer votre visibilité de vos hamburgers la nuit. Ben oui, tu sais, pour avoir une collision là avec le dog s'en vient. Je ne souhaite que ça, une collision avec un hamburger dans un futur approché. Ah, hein? T'as tellement raison. Ah, ben. Là, la cafétéria est fermée, mais je fais un burger tout de suite. Toi. Non, j'aurais le goût d'un bon vrai, là. Ouais, maison, hein, j'avoue. Avec une petite mayonnaise pis c'est dedans. Non, pas maison. Non. Un vrai? Oui. Un vrai restaurant? Oui. Mais pas un fast-food. Tu sais, ceux qui mettent des affaires fancy dans leur burger, genre du fromage bleu pis des poires. Mettons, là. Des poires, pour vrai. Ah oui. Faut qu'on s'en jase, là. Ça, c'est bon. Hein? Les cubes de café Jiva. Hein? Donc, on a besoin de boire du café à tous les jours, hein, mais dans les situations où tu manques d'équipement pour te faire ton propre café, et il faut... C'est-à-dire de l'eau chaude? Du café et une cafetière. Ah oui, la cafetière. Oui. Donc, il te faut les Jiva Coffee Cubes. C'est du café instantané, des cubes de café instantané gourmet qui sont faits avec des grains arabica de Colombie et du sucre, du cane sugar le non raffiné. Donc, c'est quelque chose de vraiment fancy. Ça va transformer donc une tasse d'eau chaude ou froide et ou du lait dans du bon vieux café. C'est parfait pour le camping, la promenade, randonnée, matin pressé. 24 de paquet de 24 sur Amazon pour $15. Voilà. Ouais, mais admettons que toi, tu prends pas ton café avec du sucre. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'imagine qu'il y a des versions diète, parce que je vois une version... Diète? Non, mais ça prend pas. Mais mettons, là, sans sucre. Parce que je vois une version hazelnut, donc aux petites noisettes. Oui, c'est celle-là qui a du sucre dedans, du sucre de canne. Il y a version caramel, version vanille française et version mocha. Il y a aussi version classique. Ça a l'air bon, par exemple. Ça a l'air extrêmement bon, pour vrai, et pas trop cher. 24 cafés pour 15$. C'est bien moins cher que le café normal dans un restaurant. C'est moins cher aussi que les petites capsules Keurig. Tassimo et autres, exact. Ouais. Tout à fait. Tu sais, on voit souvent dans la vie des bocs de bière ou des bocs en général qu'on met au congélateur et ben ça oui. glace. Bon. J'en ai même un qui prend beaucoup trop de place chez nous. On s'en sert pas vraiment parce qu'il me semble que c'est sale dans mon congélateur. Faut que je le lave à chaque fois. Puis tant qu'à laver, ça défait l'effet d'avoir de la glace dessus. Non, ben toi, c'est parce que t'es dédaigneux. Là. Mon congélateur est propre. Oui, d'accord. Désinfecté. Donc, c'est de faire un petit liner dans votre verre ou votre coupe avec une feuille de glace. Une minuscule feuille de glace. C'est donc pour garder vos breuvages bien froids, les ice liners. Donc, à la place de faire des cubes de glace dans le congélateur, ça va mouler vraiment une mince feuille de glace. Donc, techniquement, il y a de la glace dans ton verre, mais c'est beaucoup plus mince. Je sais pas, j'imagine que ça doit fondre plus rapidement, mais sûrement que c'est fait pour ne pas fondre plus rapidement. Je sais pas comment ils peuvent faire ça. C'est peut-être juste assez épais. Mais il y a aussi le fait que tu perds du territoire. Là. Tu perds du volume dans ton verre. Ouais. Et tu prêtes c'est à perdre du volume. C'est ça qui me dérange. C'est ça. Donc, la glace va entourer complètement ton verre, ta boisson. Et ça va devenir froid plus rapidement et rester plus froid plus longtemps. On appelle ça la science de la surface area. Donc, tu places... en fait, la surface area, c'est ce qui explique que ça va peut-être fondre moins lentement, d'après moi. Donc, tu places le... Moins vite. Ouais, un petit peu moins vite, c'est bien ça. Donc, tu vas placer le ice liner sur ton verre. Tu vas appuyer tout autour pour sceller vraiment bien. Tu vas verser de l'eau ou peu importe, n'importe quel autre liquide, dans un bec sur le dessus. L'eau va couler entre le ice liner et la vitre. On dirait un entonnoir. Vraiment. OK, mais faut que tu mettes ton verre avec ça dans le congélateur, c'est ça? C'est ça. Debout? C'est ça. Attends un peu, ça va le dire plus tard, j'imagine. Tellement pas de place. J'aimerais ça, mais j'ai pas de place. Tu vas placer ton verre dans le congélateur et lorsqu'il va être gelé, tu vas enlever le ice liner. Il va te rester seulement une fine couche de glace. Donc, tu pourrais préparer plusieurs verres à l'avance. Donc, ça précise pas de quel sens le mettre. J'imagine, vu que c'est scellé, que tu dois peut-être pouvoir le mettre couché, mais moi, je pense qu'il faut le mettre debout. Ben non, parce qu'à un moment donné, l'eau va suivre la gravité. Là. Ouais. Donc, les Iceliners viennent en format Rocks et Martini pour des possibilités sans fin, nous dit-il. Mais sans fin, non. T'as deux possibilités. Ouais, c'est ça. Donc, le kit vient avec un moule et un verre qui va fitter parfaitement avec. D'accord? Ah, OK. Ça, c'est cool. C'est bizarre. Donc, ça va rester froid entre 30 et 45 minutes. Donc, ta dernière gorgée va être aussi bonne que ta première à la vitesse où moi, je bois, en tout cas. Et tu pourrais même le remplir de jus de fruits ou d'autres breuvages à saveur intéressante pour faire quelque chose d'unique. Bref, t'es en train de dire que tu bois vite. Vraiment. C'est vrai? Oui, vraiment. Sans t'en rendre compte? Non, ben parce que c'est comme du jus, les boissons que je bois. Non, même la bière, non, je pense même ça la comme bière, du tu bois ça vite. Exact. Tu bois ça en homme. Non, étrangement. C'est la seule affaire que je fais en homme, exact. Tu sais, c'est le genre de blague que je ferais moi-même contre moi-même. Ce serait sympathique, mais si tu le fasses contre moi, c'est, j'imagine aussi sympathique. Non, mais ça, hein? Je le voyais que ça s'en venait. C'est ça. Le nouveau Andy Camel, maintenant, c'est un peu comme une fermeture de sac de croustilles. OK. Mais pour un sac de n'importe quoi d'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans le bloc bouffe, même si c'est vraiment clairement pas de la nourriture. OK, parce que c'est pour fermer des sacs de... des croustilles de gros sacs de chips. Ben oui, un format de magasin grande surface. Mais c'est que tu peux aussi y aller avec des pépites de trucs pour le charcoal. OK? OK? Oui. Charbon. Donc, charbon. Là, ça a rapport avec la nourriture. Tu pourrais sûrement y aller pour la nourriture de ton animal de compagnie si tu trouves ça de la nourriture. Donc, c'est pour ça que je pense que je l'ai mis dans le bloc. Même aussi, tu pourrais mettre ça pour refermer ton sac de terre ou d'engrais, okay, avec laquelle tu fais pousser ton potager, tes fines herbes. Ouais. Hein? Tu pourrais, j'imagine, mettre ça dans un sac de fertilisant aussi, qui est utilisé pour faire pousser des choses, hein? Donc la terre, le fertilisant. Non, sinon. Du sel, peut-être pour l'asphalte, l'hiver. L'hiver, oui, où tu vas chercher d'épicerie avec ton auto. Ben, il y a aussi que le sel, on en met dans notre nourriture. Je pense que je t'ai trop. Ouais, pas dans le même sens. On va laisser faire. Bref, tu glisses ça sur l'ouverture du sac, tu clips le tout. Et il y a des dents rondes à l'intérieur pour sécuritairement agripper le sac sans le déchirer. Et il y a un ratchet, un système de barrure à ratchet qui va créer un seau, S-C-E-A-U, à l'abri de tout. Bref, c'est super. Moi, je pense que je sais pourquoi tu as mis ça en nourriture. C'est parce qu'il y a un chameau, puis ben, les chameaux, ça se mange. Et voilà! C'est ça. C'est wow. Tu as réglé ce problème-là like a boss, boss de chameau. Ça va être ça. Ah! Est-ce que je la note like a boss, ouais, de chameau? Ouais, ça serait plus... Ouais, OK. Moi, je le note. Like a boss de chameau. Like a boss de chameau. Et Caroline, le mot chameau sera jamais lisible demain. Ensuite, fontaine pour chat, mais pour... Tu sais, une fontaine d'eau pour chat, mais en forme d'abreuvoir pour humain. Eh, seigneur. Eh, boy. Ça va être dur pour la petite tête à mon chat, là. Pour le chat qui se prend vraiment pour le patron, celui qui porte les culottes, comme tu as dit, du mien précédemment. Donc, vous allez pouvoir essayer cette fontaine d'eau, même pour les pattes qui n'ont pas de pouce opposable, parce que les chats n'ont pas de pouce opposable, la plus... Je pense qu'il y en a qui en ont des pouces. Ouais. Ils n'ont pas de pouce qui peut s'opposer aux autres doigts. Ils peuvent non, refermer. Je pense que non. Donc, c'est juste des doigts qui vont tous dans le même sens. Bref, c'est la particularité de pas mal tous les animaux. Donc, 1250 $ pour acheter cette fontaine-là qui s'installe sur un... Ben, en fait, ça... la photo n'est pas prise d'assez loin pour me permettre de savoir si c'est monté sur un mur ou si ça tient par rapport au sol. Oui, ça a l'air d'être sur le mur parce que tu vois le mur un peu au-dessus de la plinthe sur la première photo. D'accord, cool. Là, je suis allé sur la page Etsy et on voit que c'est fixé après le mur. Ouais. C'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est cher comme ça. Moi qui trouvais que 40 $ c'était cher pour la fontaine que j'ai achetée à mon chat. Ouais. T'as vu que c'est 1250 $ dans l'article, mais si tu vas sur la page Etsy directement où il en reste un en stock, c'est 1393,69. Donc j'imagine que le fait qu'il en reste plus beaucoup va ils faire ont monter. Boosté. Ensuite, pour ceux qui boivent beaucoup, hein? En général ou en de général. L'alcool? Mais surtout de l'alcool. Ok, ouais, okay. Je pensais en général, oui, ok. Ouais, surtout de l'alcool et qui vont, mettons, recevoir des gens à la maison, ils vont ouvrir des bouteilles de bière ou d'autres bouteilles avec un chapeau, un capuchon qui n'est pas un twist-off. Ouais. Hein? Donc, c'est un attrapeur de bouchons. De rêve. Donc, un attrapeur de rêve. Donc, tu vas ouvrir ta bouteille avec l'embout et à l'autre bout de ça, il y a un réceptacle qui va venir prendre tes bouchons. Ah! Hein, c'est le Bottle Opener Cap Catcher. Quand même assez simple. La critique complète sur assemblagerequis.com. Mais bon, c'est anodin. Quand même. Mais j'imagine aussi, si tu t'en sers pas quand il y a beaucoup de gens, puis que tu t'en sers juste toi-même, tu peux peut-être te rendre compte que tu es alcoolique parce que tu vois le niveau de bouchons augmenter. Tellement! Bon point. 8 $, c'est sur Amazon. De la compagnie Trudeau. Ensuite, McDonald's au Japon, c'est pas vraiment un gadget à acheter, mais comme c'est de la nourriture, je me suis dit ça va filer dans le bloc. McDonald's au Japon qui vend des sodas Jumbo pour deux personnes. Ça vient avec deux pailles dans le capuchon, dans le bouchon. Ah, oh, il y a de la couvercle. Place pour mettre deux pailles. Deux pailles, deux trous. Et donc, lorsqu'il y a deux trous, on insère deux trucs cylindriques. Ben oui. Bien sûr. Non, tu mets les deux dans ta bouche, sinon tu veux boire comme un morse. Voilà. Donc, c'est chez McDonald's au Japon. Si vous voulez voir ça, il va falloir se rendre là-bas. Et on termine avec des nouilles ramen. Tu sais, les nouilles ramen, ça a une forme spécifique. Ouais, comme ondulé. Ondulé. C'est tout, ça arrêtait là. Ah, je parle de la nouille en tant que telle. Des fois, elle peut être un petit peu tire-bouchonnée, si on veut. C'est ça que je veux dire, d'accord. Non, je parlais du contenant en tant que tel, des nouilles. Le contenant de ramen est souvent d'une forme particulière. La plupart des compagnies de ramen font le même style de plat de carton. Genre. Ah, je sais pas, on les achète en sachet. Ah, ben voilà. Comme les matelas. Ah, non, ça c'est en sachet. En sachet, excusez-moi. De quoi je parle. Ah, boy! Ah, je pensais l'avoir. Toi, tu l'as-tu eu, le tien? Hein? Pendant qu'on parlait les deux en même temps? Non, je faisais juste m'enfarger. D'accord. Donc, mettez un petit peu plus de classe dans votre gobage de ramen. Protégez vos mains, hein, et amenez vos ramen sur la route avec les cup noodles instant ramen mug. C'est une tasse. Oh, OK, tu peux mettre ton petit cup de nouilles dedans. Et voilà, et bien sûr... Je peux plus les acheter en sachet, là. Non, il faut absolument que tu te serves des petits cups. Et en plus, ce qui est le fun, c'est que tu mets ton ramen, pas d'eau, dans la tasse, tu rajoutes l'eau et tu n'as aucune chance de te brûler pendant le transport. C'est encore drôle. Ouais, c'est encore drôle. Et il faut que tu mettes le couvercle dessus, un petit couvercle de plastique qui va permettre vraiment à tes nouilles de, j'imagine, cuire plus rapidement. J'imagine que c'est la raison. Donc, la tasse est sans BPA. C'est isolé pour garder les nouilles bien au chaud. Et le couvercle spill-free, sans dégâts, qui passe du micro-ondes au bureau. Ah, ça, c'est cool, ça aussi. Ah. Parce que tu sais que tu mets de l'eau normale, froide, dans ton cup de ramen et passer au micro-ondes. Et c'est encore mieux avec ce verre-là. Génial. Merveilleux. On prend une pause musicale avant de continuer avec un autre bloc. Parfait. Ouais. Je vais y aller avec une pièce de Fontarabie. Ça s'appelle Forcé ou quitté. On l'entend une fois de temps en temps, mais c'est un des hits de l'été que moi j'aime beaucoup en ce moment. Mais oui, on peut pas s'en passer. Et on vient avec plus de gadgets, mais sans thématique. On va faire des thématiques de au hasard. C'est ça. J'ai l'impression que le gag a déjà été fait. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Toujours Assemblage Rocket. Hello! Hello! C'est Assemblage Rocket avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante qui est pogné dans ses fils. Oui, j'avais un petit peu. J'ai branché mon ordinateur parce que je manquais de batterie, puis je l'ai mis entre mon fil d'écouteur et l'autre affaire. Ah, je pensais que c'est parce que t'étais un robot, puis que là, tu t'étais coupé un bras, puis t'avais des fils qui sortaient. Je peux le rattacher, mais pas vous. Jouer prudemment. Blablabla. À peine cliché. Ouais, c'est ça, je me rappelle même pas de la phrase. En plus, au je retour. Je peux remettre mon bras à vous pas. Me semble que c'est ça. Vous pas, oui, oui, vous mais pas. Je sais pas, parce que moi, c'est pas de ma génération. Ah. Ouais. Plus de la tienne. C'est ça. Dans une génération ancienne, un peu comme les pirates, sur leur épave trouée. Voici chose sauvage. Ça, c'est tout. Donc, c'était donc bon. C'était l'épave trouée de choses sauvages. Ok, je pensais que tu cherchais le nom. Non, je m'en souviens. De choses, là. Non, choses sauvages, c'est la chose. Ouais, on a pris c'est pas les chats sauvages, c'est elle. Marjo, je parle. Donc, toujours assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89 FM. Le nouveau 89 FM, c'est fou. On continue avec une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ready? Oui. Toujours, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la deuxième partie. On a quelques, un petit blitz de choses à faire comme ça, là, juste pour dire qu'on en rajoute encore quelques-uns. Allons-y avec des... mettons, on a parlé la semaine passée, je crois que c'est de plats à sandwich collapsible qu'on pouvait refermer sur eux-mêmes. Oui. Comment t'appelles ça en français? Refermer, replier, re-zigzag plier, rip for pleasure. Je sais pas, effondrable. Effondrable, j'aime pas mal ça. Mais maintenant, on l'applique à un seau. Ah! Un bucket. On aime bien la pocket hose. Mais après pocket, le bucket hose. Okay. Le pocket bucket, tiens. Le saut de poche. Le saut de la poche. Nouveau sport extrême aux prochaines Olympiques. Donc, c'est Tiny House Nation sur la chaîne de télé FYI qui nous a parlé de ce produit-là. Donc, c'est vraiment un petit saut qui se défait jusqu'à 2 pouces d'épaisseur lorsqu'on ne l'utilise pas. C'est parfait pour aller en camping ou pour les gens qui manquent de place. C'est fait de silicone avec une poignée en acier inoxydable, capacité de 2 gallons. Et on peut l'ajuster jusqu'à 4 différentes hauteurs. Donc, c'est sur Amazon pour 30$. C'est le Infusion Living Room Reforms. OK? Collapsible Bucket. Je vais être bien honnête. Je me demande si ça prend vraiment moins de place. J'avoue parce que, je sais pas, moi en tout cas, je trouve qu'un seau est un excellent contenant à faire. T'sais. Mais fait que ça rajoute genre, de la place quasiment. Parce que même, moi j'ai une passoire qui est comme ça. Là. Ouais, avec, effondrable. C'est très ouais, c'est terme. Ça, effondrable. Mais ça me donne rien parce que j'en ai d'autres puis je les empile. Fait que ça prend autant de place que s'ils étaient rentrés un dans l'autre que repliés et mis un par-dessus l'autre. Oui. Donc, je sauve pas vraiment d'espace. Non! De sa ben, on dit ça comme ça, là, on jase. Mais 30$, c'est très cher pour un seau, et bien sûr. Vraiment? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie avec un seau qui vaut 30$? Sais-tu ce que tu fais? C'est un tiers de Ice Bucket Challenge avec ça! Ah! Puis c'est pas mal moins froid parce que t'as juste le tiers du liquide. Si le collapse, t'as juste le... Ouais. Y a un modèle plus cheap à 15$ aussi, une alternative, si on veut pas par la même compagnie. Pour ceux qui trouvent que leur écran de MacBook Air ou autre portable de petite taille, comme moi c'est un 11 pouces et quelques, c'est pas assez, ça s'appelle le Sidecar, c'est des pinces de plastique avec insertion de néoprène protecteur qui est fait pour aller avec plusieurs appareils comme des téléphones intelligents et des tablettes. Donc le Sidecar a 2 pinces de chaque côté de votre portable, vous pouvez accrocher par exemple un iPad d'un bord et un iPhone de l'autre. Ouais, mais ça te donne quoi? Plus d'espace parce que avec leurs applications là, pour téléphone intelligent, tu peux faire que ça va être un plus grand écran. En tout cas, c'est ce que j'en comprends parce okay. que sur leur image, t'as comme. En fait, je crois pas que ce soit pour continuer l'écran, c'est pour ajouter d'autres choses. Mettons que t'as ton iPhone à gauche avec ton Facebook, puis à droite, t'as ton Twitter. Puis là, sur ton ordinateur, tu travailles, fait que tu peux continuer de voir, mettons, des affaires qui se passent sur d'autres affaires. Tu sais, contrairement à un ordinateur où tu auras un grand écran, tu peux mettre plusieurs fenêtres de côté de l'autre. Ici, ouais. Tu peux pas le faire parce que tu as un trop petit portable, donc tu mets des fenêtres additionnelles accrochées à ton portable. Ouais. C'est pas si pire. Donc, c'est ça, ça peut être... OK. Une fois connecté au laptop, les affichages additionnels peuvent être opérés indépendamment ou avec l'utilisation d'une application de tierce partie peut être utilisée comme écran externe. Il y a des applications qui sont pas faites par la compagnie qui peuvent extensionner ta fenêtre pour, mettons, pouvoir prendre une fenêtre, garocher de l'autre bord, c'est ça. Donc, c'est la Venostec Sidecar fabriquée aux États-Unis, 30$ pour le modèle noir ou 35$ pour le modèle blanc. Raciste, hein? C'est plus cher. Ben ouais, que c'est ça? Wow! C'est quoi, là? Payer pour la teinture. et un spa pour les bébés. Parce que c'est stressant d'être un enfant, tu sais. Ben oui, meeting, tout, là. C'est ça, hein? Donc, ça mange, ça dort, ça pleure, hein? Et ça fait ses besoins. Bref, c'est à peu près un enfant. Donc, pour 65$ l'heure, vos petits bébés qui vont de l'âge de 2 semaines jusqu'à 6 mois peuvent flotter dans une piscine d'eau pendant que les parents reçoivent des massages, etc. Donc, c'est un spa. On peut se permettre ça, se payer ça. C'est bizarre. Envoyer ses enfants au spa, c'est encore une fois pas tellement un gadget, ça. Je pense pas qu'on puisse acheter ce spa-là. Mais en fait, c'est l'espèce de petit coussin. Ils leur mettent une espèce de bouée autour de la tête. C'est bizarre. Je trouve ça bizarre. Ouais. Ensuite, ah tiens, on a parlé de choses effondrables tantôt. Pourquoi pas un spa aussi effondrable? Ah? Pas effondable. Effronté. Non, ben un effondrable, toi. C'est ça, juste parce que vous êtes en forêt, ça veut pas dire que vous allez devoir vous priver des luxes de la vie dans la grande ville, hein? Par exemple, un spa. Genre. Donc, c'est un spa portatif, le Original Nomads Collapsible Hot Tub. C'est un bain, donc de 225 gallons, où on peut mettre, ou en tout cas, entrer 4 adultes confortablement. Ça se défait facilement après et ça se met dans un sac de 30 pouces de long. Et voilà. Donc, il y a aussi un truc. Ce que tu vois sur le côté de l'image, c'est un heating coil. Donc, un fil de métal, un truc de conduit de métal en acier inoxydable qui va chauffer. Ah. Et ça va utiliser du thermosiphonnage, qu'on appelle, pour ne pas avoir besoin d'une pompe. Et ça va réchauffer l'eau avec du propane, du gaz naturel ou même du bois. Donc, c'est 550$ pour le bain seul ou 1000$ pour le bain et le heating coil. Et Caroline, OK. Pour prendre son bain en forêt. Ben, au pire, d'habitude, il me semble que d'habitude, quand tu vas, par exemple, en camping, il y a une piscine, un lac, un cours d'eau. Mmh. Une mare, au pire. Dont ça. Tu pourrais profiter. Mmh. Mais j'avoue que là, ils ont l'air de camper dans la neige, hein? J'avoue que c'est ça la chose, ça a l'air particulier, mais je pense que ça se ferait très bien quand même. Avec le Healing Coil, ça a l'air d'aller... Oui, dans la neige, ça va. Là, je peux comprendre, tu vas pas te baigner dans le lac. Ben non. Il doit être frais. Tu caves. Ice bucket! Bon. Ensuite, des briquets, c'est cool, OK? Fumer, c'est pas cool. Non, mais tu peux allumer des chandelles. Ben c'est ça, tu peux allumer plein de choses avec un briquet, là. Ton ancienne école secondaire, c'est un mauvais souvenir. Des billets d'argent parce que t'es tellement riche. Canadien de tailleur, attends. Ouais, c'est ça, genre. Mais des briquets, la flamme jaune-orange, là, on s'entend-tu que c'est passé date? Hein? On est rendu en 2014, le jaune-orange, ça va faire. Hein? Ouais. Bon. Donc, il te faut un briquet avec une flamme colorée. Flamboyante! C'est pas nouveau, ça? Moi, j'ai jamais vu ça. J'en ai acheté un à New York à 16 ans. Ouais. Ah, pour vrai? Je savais pas ça. La flamme était verte. Ah, ouais. Ben, si t'as vert, t'as rose, donc... mais rose, voilà. Ça, par exemple. T'avais pas vu ça, hein? Non. Donc, design ergonomique, confortable et sécuritaire. Donc, on peut bien s'agripper après ça. Et on peut ajuster la couleur de la flamme avec plusieurs... Oh, ben, Colin, si j'avais pas vu ça. Avec un bouton, on peut passer du vert néon au rose flash. C'est cool, 13$. C'est pas cher. Pas cher, 13$. T'as payé ça combien à l'âge de 16 ans? Tendre âge de 16 ans? Je sais pas, hey! Moi, j'étais saoul! Mais non, mais ça fait 10 ans de tout ça! C'est ça, hey! L'inflation! Puis il y avait une petite feuille de pâte sur le lecteur. Oh, ben! Je me demande à quoi qui servait ce briquet-là. J'ai mis des chandelles. Des chandelles, bien sûr! Chaise de bureau, c'est bien confortable, on aime ça. Dans les bureaux qui ont le budget pour des chaises de bureau confortables. Non, mais c'est pas moi. Ça arrive, des bureaux comme ça, je travaillerais pas là-dessus, là. Moi, je travaillerais là-dessus. Non, moi, je dormirais là-dessus. Moi aussi, c'est ça. Je ferais semblant de travailler là-dessus facilement. Donc, c'est la Naptime Office Chair. Évitez les positions inconfortables lorsque vous voulez dormir au bureau. Hein? C'est une chaise de cuir avec un support lombaire, soutien lombaire. Et quand on s'assoit, on est capable de faire comme dans un Lazy Boy et se mettre à plat sur le dos. Presque à plat, bref. Wow. Ça coûte... est-ce que tu vois le prix comme il faut, toi? 400$. 400$. Moi, le texte apparaît tout un par-dessus l'autre. Donc, 400$ pour cette chaise-là, c'est pas si cher que ça pour des chaises de bureau, ben honnêtement. J'en ai magasiné une coupe, puis c'est bien plus cher que ça, des chaises de bureau, là, tu sais. Je sais pas. Des chaises de cuir. Ouais. Donc, j'aime bien. Je pense que c'est assez pour... ça existe. Hein? Sinon, j'aimerais bien parler du soutien-gorge Pokéball. Oh boy! Ben, ça, c'est comme... Une Pokéball par sein ou une seule grosse Pokéball? C'est deux seins? Pokéball par sein. Par sein. Ouais, fait que ça fait comme deux petites Pokéballs. Bon, ouais. Ou deux grosses Pokéballs, ça dépend de la personne. Dépendant. Là, tu peux dire. Je t'ai choisi. Sors-moi le Pikachu, tu sais. Okay. Attrapez-les tous. Ah! Il y a plein de jeux de moi à faire. Ouais, c'est malade. Ah, oh, bon. Donc voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Les liens sont tous sur assemblagerequis.com. Les liens et les détails véridiques, c'est-à-dire que ça se peut qu'il y ait des erreurs lorsque je dis. Tantôt. On va faire la bouffe de la semaine Avant ça, par contre, Steph, tu te rappelles dans le passé de Piff Paff Hangover et Whatever Works? Bien sûr. Leur succès de cet été, Whatever Works, qui a été repris par un groupe qu'on aime bien parce que ce sont ceux qui font les chansons thèmes des palmarès C'est fou. Ah? C'est les gens d'Artist of the Year qui reprennent nos amis de Piff Paff Hangover. Ah, voici ouais? leur version de Whatever Works. Oh, c'est fou. 80 fois. Dernière émission de la saison d'Assemblage Requis et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Il reste seulement une 45 minutes à cette édition estivale d'Assemblage Requis. Puis j'ai une bonne idée de ce qu'on pourrait faire. Pardon. manger. Ah, oui, ça serait le moment. Ah, oui, oui. Est-ce que tu appellerais ça, mettons, le manger du moment? Attends un peu. Non, la grignotine de Justine. Ah, OK. Oui, le succulent suçon. Je sais pas. Voici la bouffe de la semaine. La bouffe de la semaine. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Hey, yo! Aïe, aïe, malade! Fais-le que c'est ça! Wow! La bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis. Ben oui, ça c'est moi, ça! Allô! Écoute! J'ai pas vu, je regarde pas! Est-ce que je range mon petit bout qui dépasse? Ouais, range ton petit bout qui dépasse. Écoute, Mathieu. Je t'écoute. Toi, est-ce que, tu sais, des fois, là, le matin au déjeuner, dans tes céréales, qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que je mets dans mes céréales? J'ai du lait sans lactose. Du Jack Daniels. Du lait sans lactose. Ben, des fois, tu sais, là, je te dirais, c'est très tendance. On a eu la boisson de soya qui était très tendance. Là, c'est devenu la boisson aux amandes. Mm-hmm. On essaie de varier, tu sais. Mais boisson aux amandes, des fois, t'as pas toujours les protéines dont tu pourrais avoir dans le lait. T'as peut-être pas autant de calcium. On regarde pas nécessairement ça. Il y a moins de calories. Ah, les amandes, c'est bon pour la santé. Ouais. Mais des fois, si on veut varier, on peut peut-être aller voir ailleurs. Hein? Dans d'autres endroits, d'autres... Ça reste du lait. Mais là, écoute, moi, aujourd'hui, j'essaie le lait de chèvre. Oh! Ça fait longtemps que je vais goûter. J'avais déjà goûté le yogourt de chèvre. Il y avait toujours le petit arrière-goût de pâturage. Ben, hein? J'ai aucune idée à quoi m'attendre avec ça. Est-ce que tu avais déjà senti quelque chose, que tu as déjà entendu parler de ça? Tu dis ferme. Une vache, c'est une ferme, puis ça goûte pas à ferme, hein? Non, mais le fromage de chèvre a un goût très particulier. Okay. Et dans le yogourt, on retrouve ce petit goût-là. Donc, je m'attends à ce qu'on le retrouve dans le lait. Okay. Et moi, j'aime ce goût-là. Et ça fait changement, le lait de chèvre. Peut-être des fois, ça peut varier vos matins. Oui, ben hein? Oui, on aime ça. C'est comme écouter Assemblage requis, hein? Donc, lait de chèvre, écoute, moi, j'ai juste vu une marque de ça. C'est fait par Liberté. C'est dans le coin des produits bio. J'ai pris le 2%. Il n'y avait pas de 1%. Ah. Il n'y avait pas de écrémé. Il y avait du 3,25. Je me suis dit, on va se calmer les ardeurs. Pas trop de gras, là. On va y aller avec le 2%. Et c'est écrit dessus, bien entendu, que c'est une excellente source de calcium, de protéines, de vitamine D. Et c'est une teneur élevée en phosphore. J'imagine que le phosphore, c'est bon pour la santé. Sinon, il ne l'aurait pas mis. Ben, c'est ça. Hein? Il n'y aurait pas écrit ce nom. C'est faible, c'est du phosphore. Hein? C'est ça. Hein? Donc, c'est une petite pinte d'un litre. Je dis pinte, et là, je ne parle pas du tout de la mesure impériale, parce que c'est un litre, c'est pas une pinte. Mm-hmm. Et c'est additionné de vitamine A, D et d'acide folique. Est-ce que j'ai de la vitamine B? Est-ce que j'ai de la vitamine B? Donc, c'est écrit que c'est doux et frais. Hein? Excellente source de calcium. En fait, il répète la même chose sur le côté que c'est écrit sur le dessus. Hey. Mais c'est écrit que c'est doux et frais, puis il y a des petites fleurs, puis une barre à tabac. Il n'y a rien à dire quand c'est doux et frais. Et ils font même leur petite publicité. Essayez nos délicieux Liberté yogourt de chèvre. Hey. Donc, moi, j'ai aimé ça. Tu l'as déjà fait, c'est ça. Ben, devrais aimer ça. C'est ce qui a inspiré ton achat, en fait. C'est ça. Un peu comme si t'étais allé en acheter tellement t'as aimé ça, t'es acheté sur eBay. Ça commence à être lourd, déjà. Tu trouves? Donc, les ingrédients, c'est très simple. Donc, lait de chèvre partiellement écrémé, palmitate de vitamine A, ben oui. Vitamine D3 et acide folique. Palmitate, c'est le surnom des palmarès. C'est ça, les petites palmitates. C'est pasteurisé et c'est gardé au réfrigérateur, produit du Canada. Je trouvais ça intéressant peut-être d'aller comparer avec les valeurs nutritives du lait de vache. C'est forte. Hein, ça serait une bonne idée. Donc moi, pour 250 millilitres de lait de chèvre, c'est 120 calories. Alors que pour la même quantité de lait de vache, 2% aussi, C'est 129 calories. Donc, on aurait 9 calories de moins par tasse pour le lait, 2% pour le lait de chèvre. Ensuite, si on regarde les gras saturés, en fait, les gras, les lipides en général, c'est 5% de matière grasse, les deux. Mais dans le lait de vache, il y a 3,3 g de gras saturé, alors que dans le lait de chèvre, c'est seulement 3. Mm. Donc, il y a une petite différence qui, au bout d'une vie, peut faire une grande différence. Là, je taponne, je dis n'importe quoi. cholestérol, c'est semblable aussi. Donc, 21 pour le lait de vache et 25 pour le lait de chèvre. Donc, c'est pas vraiment une différence significative. Ensuite, si on va dans le sucre, il y a moins de sucre dans le lait de chèvre, 11 g et 13 dans le lait de vache. Et finalement, les protéines, 9 g dans le lait de vache et 7 g dans le lait de chèvre. Donc, c'est quand même très, très semblable pour les valeurs nutritives. Donc, rendu là, c'est vraiment une question de goût, je te dirais. Mm-hmm. Et peut-être une question de prix aussi. Ah, oh, c'est plus cher, pas mal? Ben non, pas mal. OK, juste un peu. En fait, je te dirais que... Écoute, je me souviens pas exactement du prix, mais je te dirais que le prix du 1 litre de lait de chèvre serait le même prix que le 2 litres de lait de vache. Mm. Je pourrais pas te le dire à 100%, mais okay. Il me semble que dans mes souvenirs, c'était à peu près ça. Donc, ça vient dans un carton de lait très traditionnel, mais moi, ça me déplaît personnellement. Ah oui, je te vois venir. Il n'y a pas de petits bouchons. Non. Maintenant, on est habitué avec les petits bouchons. Tout le monde a des petits bouchons. Sauf le lait qui est bon. Ben, j'achète pas ça. C'est en carton. C'est encore les petites languettes qu'on doit écartiller. Comme un berlingot. Oui, c'est ça. Comme un berlingot. Tu veux mettre une paille dedans, quasiment. Ah, mon boit-tu la pinte avec deux pailles? Hein, comme le McDo au Japon. On va se mettre chacun une paille dedans. Donc, ça, je trouve ça plate parce que ça va prendre le goût des autres aliments du frigo. Ça resterait moins longtemps. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je dise? En fait, parlant de rester frais longtemps, l'aide terroriste, là, ça dure jusqu'au 11 septembre. C'est pas Oui, oui, mais 2014. Oui, c'est vrai. Fait que ça compte pas. Trop tard. Fait que, écoute, moi, je serais prête à goûter à ça. Parfait. En tout cas, je serais prête à l'ouvrir. Ouais, parce que là, ça va faire, là, t'as assez parlé, ça achève-tu? Non, Ça achève-tu? Ah, oh, c'est drôle. Merci. Donc, le micro magique est prêt pour notre lait de chèvre de marque Liberté. Liberté. Donc, ça dit écarter vers le haut. Non, c'est pas vrai. Écarter le haut. Okay. Complètement vers l'arrière. Ouvrez grand. Pousser pour ouvrir. Spoutbeck. Spoutbeck! Oui, ça, j'aime ça, Spoutbeck. Ça s'ouvre jamais correctement, ça. Ah, oh, wow! Non, ça déchire tout le temps. C'est tout imbibé de... Ça fait un bec, genre, tout mou. Je m'excuse, faut que je mette mon doigt sur le bord pour... J'en voudrais pas, finalement, de me s'en pousser. La petite fente, là. Tu as ouvert la fente à ta chèvre, hein? Ouais. Parfait. Tu peux remettre le fond. Parfait, parce que je trouve vraiment que les gens parlent très fort dans le corridor. Donc... On est toujours à la bouffe de la semaine. On va se verser un verre de lait de chèvre, Libère. Je vais sentir, donc je ne vais pas goûter direct à la pinte. Tu ne veux pas sentir dans ton verre, non? Ben, je veux sentir le produit brut dans avec sa pinte. Avec le carton aussi, ouais, tout à fait. Donc, ça sent le carton. Bon, donc dans le verre maintenant. Je vais y aller avec le verre et je vais verser. Dans le micro magique. Ça sonne étrangement comme du lait, hein? C'est, oui. Je dirais même que, à ne pas confondre avec le jus d'orange, ça peut, le son peut ressembler, mais ça, c'est seulement pour les néophytes. Je t'emmène juste un petit peu pour pas okay. que tu meurs. Merci, t'es bien fin. Pardon? Donc, on va essayer de pas en échapper dans la console. Merci, mais non! Non, tout va bien, c'était le corridor sécuritaire. C'est ça, ben oui. Je veux dire, il y a des petites pancartes jaune orange et tout. Dans le sens comme c'est comme, tu sais, genre. Hein? Donc, est-ce qu'on sent? Ouais, ben oui, on va sentir. Ça sent le lait. Vraiment. Est-ce que tu sens une odeur de chèvre? Pas vraiment. Attends, peut-être... Pas vraiment. Attends un peu. On dirait que quand je le brasse un peu, tout en sentant, j'ai l'impression... Tout au-dessus de la console. Non, vraiment très loin de la console. Je suis pas de ce genre-là. Mais il me semble que ça sent un peu, et là, sûrement je dis n'importe quoi, comme à chaque semaine, un peu le fond de fromage cottage. Est-ce que ça se peut? Ça sent rien du fromage cottage, je trouve. Bon, ben, tu vois. Hein? C'est pour ça que je dis jamais... Ben, je pense qu'on va y goûter à cette heure qu'on sait que ça sent le lait. Le lait. C'est-à-dire pas grand-chose. Let's go. Go. Gouh! Wow! Fromage cottage. Moi, je trouve que ça goûte le fromage cottage. Tu connais absolument rien, ça goûte le fromage de chèvre. Ben, peut-être. En fait, moi, ça me rappelle ça. Bon. Ça goûte très intense le lait, oui, avec un goût qui punch vraiment fort, oui, de chèvre. Hein? On va se dire les vraies affaires. Attends, j'ai envie de coucher avec. Ça goûte le chèvre. It smells like the shaver. Et est-ce qu'on aime ça? Moi, je déteste ça. Je vais être bien honnête avec toi, j'aime vraiment, vraiment pas ça. Mais écoute, moi, je pense que c'est pas un lait qui se boit au déjeuner ou au dessert. Tu ferais quoi avec ce lait-là? Dans tes céréales? Le sucre viendrait peut-être annuler les mois, j'avoue. Dans ton café, il y a un arrière-goût en plus. Je vais avoir une haleine de chèvre, Steph. La torture, là. Oui, non, t'as pas une haleine de bœuf quand tu bois du lait normal? Je sais pas, je bois pas de lait, j'aime pas ça. Merci de m'avoir mis du lait. Je trouve ça drôle. C'est comme une des choses que j'aime pas le goût de. Ah, mais ça, tu me l'as jamais dit. Non, c'est vrai que je t'ai jamais dit ça. Non, c'est vrai, on partage pas assez nos goûts de lait. C'est pas un sujet qui vient naturellement dans la vie, tu sais. Mais écoute, regarde, j'ai quand même apporté autre chose. C'est la dernière émission. Un nettoie palais, qu'on appelle. Et gorge, oui, dans ce cas-ci. C'est la dernière émission, okay, de l'été. Donc, je me suis dit, on va se gâter. Va dans le couloir magique, là, je te donne quelque chose. Okay. Moi, j'avais pas vu ça. Le livreur est passé. C'est la même couleur que ton micro, c'est pour merci ça. Merci. Oui, c'est bleu. Donc, c'est un chocolat Lindt. Oh. OK. Et c'est farci de crêpes dentelles. Dentelles, voyons donc. Fait que ça, est comme ondulé. Ils l'ont comme plié, puis... Ben, comme un condom, un real for a pleasure. Ouais. Non, non, non, ils l'ont comme... Tu sais, quand tu fais quelque chose comme en... Tu sais, de même, là... un peu comme... ouais, c'est dur à expliquer, hein? C'est comme plier en d'un... vague, une ouais, par-dessus mais l'autre, plier si d'un veut côté, replier de l'autre. Ben, ça, c'est en de l'origami, voilà. Origami donc, de gaufrette. C'est chocolat Lindt, de chocolat au lait avec gaufrette et une onctueuse garniture noisette. Oh. Ça peut pas être mauvais, là. On est en train de faire ça dans la bouffe de la semaine. C'est une malbouffe, clairement, ça, non? Ouais, mais ça va avec le lait. Ah, OK, ouais, pour... ouais, je comprends. Ça compte chocolat pas et lait, ça va. Ça. Puis, c'est du chocolat de qualité, là. Donc, moi, je suis très curieuse à la crêpe dentelle. Donc, on va ouvrir ça, voir. OK, on t'écoute. Je l'ai mis à nu. Hey, j'ai même pas parlé des ingrédients. Il y a 160 calories dans une barre. Bon sang, sac! Hey, là, on n'est pas là pour ça. Hein? Donc, écoute, moi, j'ai tellement faim, je prends une bouchée tout de suite. Ben, merci, Steph. T'es-tu prêt? Ben, j'y vais aussi. Ah, ça sent le bon chocolat Lindt. On peut pas se tromper, là. Ben non, ah, ben non. C'est parfait, ça. Hum! Mm. Hum! Il y a un petit croustillant très agréable. Ouais. Pas trop non plus. J'en aurais peut-être mis un peu plus de croustillant. Mm-hmm. Mais ça fait un peu penser la texture du chocolat avec du riz soufflé dedans. Mm-hmm. Que j'adore, soit dit en passant. Une crunch, exemple. Je te dirais plus dit celui-là de chocolat favori. Mm-hmm. Qui goûte pas le vieux. Mais je tombe tout le temps sur les vieilles palettes, moi, dans les, ouais, dépanneurs. Ça me fait penser un peu à une Bueno, peut-être. Oui. Un peu. Oui, c'est vrai. Ouais. Très, très similaire à la Bueno. Pour une fois, j'ai dit quelque chose de vrai. C'est vrai. C'est rare que tu dis quelque chose de vrai. Celebration good time, come on! Je l'ai eu. C'est le Bueno good time. Le Bueno good time, excuse-moi. J'essaie de ramener un gag d'il y a 3 mois. Et plus. 6 mois, par exemple. Donc, je vais essayer chocolat et lait de chèvre, voir non, si non ça passe. Non, on va faire la même chose. T'es game? Ben oui. Sauf toi, game. Ben, pas bon. Non, ça vient comme gâcher le chocolat. Ouais. Le chocolat n'améliore pas le lait gâche le chocolat. C'est pas super de bon duo. Pas vraiment. Mais miam, hein? Lindt. Crêpe dentelle. Ouais, très bon. Mm-hmm. Mais moi, le lait, j'aime ça. Pour vrai, j'aime ça. Mais je saurais pas à quelle occasion boire. C'est ça le problème. Parce que c'est pas un lait dessert. C'est vraiment... dégueulasse avec quelque chose de sucré. Ouais. Mais je pense que c'est une question de goût. C'est quelqu'un qui aimerait ce goût de chèvre-là ou par peut-être soit conviction d'animaux ou peu importe, ou sinon par... il peut y avoir plein de raisons de santé, j'imagine, de boire du lait de chèvre. Quelqu'un choisirait de boire ça, j'imagine, le boirait à toutes les sauces. J'imagine, en mettrait dans son café, céréales et autres, j'imagine. Ça serait à essayer peut-être dans... Non, pas dans le café. Ben, pour, je sais pas si ça se fait, peut-être pas. Sinon, peut-être un chocolat chaud, des trucs comme ça. Ah, ça pourrait être bon, chocolat chaud. Ouais, avec, mais si tu prends vraiment avec du chocolat noir, tu fais ton chocolat chaud avec du chocolat noir, donc ça va être plus amer. Ça va complètement masquer le goût de la chèvre, probablement. Ben, pas nécessairement, mais peut-être mieux se marier, justement, parce que c'est plus fort, alors que là, le chèvre vient complètement effacer le goût de chocolat au lait parce que c'est plus doux. Donc, j'imagine qu'il faut y aller avec quelque chose d'un peu plus goûteux. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Bien d'accord avec toi. Ou sinon, peut-être pour faire des sauces. Tu sais, quand si tu fais une béchamel, même en sachet, il faut que tu mettes du lait dedans. OK. Donc, peut-être qu'avec ça, tu aurais un bon petit goût de chèvre sans mettre de chèvre dedans. Ça pourrait être un bon compromis, ça. C'est à essayer. Donc, le chèvre Liberté et le chocolat Lindt Crêpe d'Hôtel. C'est tout pour la bouffe de la semaine. Il nous reste la malbouffe de la semaine. On a déjà un petit peu commencé dans la malbouffe en mangeant du chocolat. On s'en compte pas. En fait, mon côté malbouffe est pas si malbouffe que ça, tu vas sûrement me dire. Mais c'est malbouffe. Ouais, on s'en reparle tantôt. T'es précoce, là. Vraiment. On se prend la dernière pause de l'émission. Je pense que, tu sais, on a eu deux de fils, mais on va débarrasser pour le reste de l'émission. Donc, une petite pause et on revient dans quelques instants. À Assemblage requis, reste là. Indie Rock 89.1. C'était une merveilleuse chanson sur les ondes de C'est fou 89 FM. Vous êtes bien sûr à Assemblage Requis. Cette chanson, évidemment, nommons-la. On va pas faire comme n'importe quoi puis pas dire ce qu'on a joué. Ben non, ce serait pas notre genre. C'était Cousins et Other Ocean, nouvelle entrée du palmarès anglophone du précédent palmarès. Voilà. Mm-hmm. Et hein, c'est ça. Ben normalement, ce qu'on aurait fait, c'est arrêter de revenir avec que ceci. La bouffe de la semaine. Non, non, la malbouffe de la semaine. Il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben, qui boivent du thé glacé! C'est la malbouffe de la semaine, le pendant un petit peu moins santé de la bouffe de la semaine. Quoique tu m'as battu, je crois, en termes de non-santé dans ton segment tantôt. Probablement. Mais non, il y avait des noisettes. Ça, c'est... Ouais. C'est des crêpes, ça, c'est des produits céréaliers. Si on veut. Donc, ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est des thés glacés. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça cool. Je sais pas si c'est nouveau, j'en ai aucune idée. Mais ça avait l'air bon, puis moi, j'ai jamais vu ça. Fait que bon, hein? C'est ça l'important, c'est de pas y avoir goûté. Bon. Je semble n'avoir jamais vu ça aussi. T'as pas vu ça? Je suis content d'entendre, parce que pour vrai, j'étais pas certain. C'est les nouveaux... en tout cas, les thés glacés, disons-le comme ça. Verts de Nesté. OK? T'as la saveur thé vert au ginseng et au miel. OK. Qui a l'air assez fabuleuse. Et t'as mangue. Ah! T'as la mangue. C'est ce que j'ai vu. Je me rappelle qu'il y avait une autre sorte en magasin. Je ne me souviens pas de la saveur. Ben franchement. Ouais, ça fait un petit peu dur. Mais c'est fait avec du vrai thé, tout ça. Et c'est clairement un compétiteur voulu. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Un compétiteur des grosses canettes de thé. Là. Oui, parce que c'est écrit 99 sous Pareil. Sur le côté de la canette. Donc, ils veulent affronter l'autre compagnie qui vend dans les mêmes prix pas mal, sinon même exactement 99 cents. Hein? Mais oui, parce que c'est écrit 99 cents sur la grosse canette. Je pensais que c'était juste le fait qu'il y avait un prix d'écrit qui était pareil, mais non, c'est le même prix. Donc, j'imagine qu'ils doivent couper dans leur marge de profit habituelle, Nesté, parce qu'ils vendent pas mal plus cher que ça. Ouais, ben leur marge... Ils font quand même du profit. C'est ça. Ils vont pas être perdants là-dedans, c'est certain, au prix de leur prix. Exact. C'est du thé vert, donc avec des saveurs naturelles. C'est dit aromatisé naturellement. Pour une canette complète, et là, on sentait que ce sont des grosses canettes. Je dirais peut-être le double d'une canette de liqueur. C'est des grosses canettes. C'est du 695 millilitres. On nous dit 210 calories par canette. T'es sûr par canette? Ça dit par canette, 210 calories. Une canette, 695 millilitres, 210 calories. C'est pas si pire, quoi? C'est pas si pire. OK, je pensais que ça allait être genre un mauvais jus pour vous à ne pas boire. Ben non, mais c'est pas... C'est sûr que c'est pas un choix numéro un, mais... Si tu bois du thé glacé, c'est pas si pire. OK, tant qu'à boire du thé glacé, aussi bien boire ça, peut-être, donc. Et en plus, ça dit qu'il y a de la caféine dedans. Donc, c'est du 21 grammes par canette de caféine. Donc, j'imagine que ça me tire montant, d'où le fait que c'était... Alors, en fait, sur l'autre, c'était écrit thé vert au ginseng. Ginseng, c'est ce qu'on retrouve des fois dans des boissons d'énergie. Ouais, c'est ça. Ouais. Lui ne précise pas, donc c'est seulement mangue. Donc, c'est quand même... Moi, ça me surprend de voir de la caféine là-dedans. Je sais pas. Ben, il y a de la caféine dans le thé, mon dans cher. Dans le thé, ben, c'est ça. Ouais. Exactement. Okay, parfait. Donc, 0 g de lipides, 65 mg de sodium, 55 g de glucides, 54 g de sucre, pas de protéines. Combien de grammes de sucre? 54 g. Aïe, aïe. Là, c'est beaucoup. OK. Oh. Moi, je regarde ta face, puis là, c'est là que je me dis que peut-être que c'est spécial que ça. Okay. C'est énorme. 45 % de vitamine C nécessaire pour la journée, c'est ça? De la valeur quotidienne. Les saveurs sont tellement écrites en blanche sur un fond fluorescent vert que je pense qu'ils veulent pas qu'on les lise. Okay. D'après moi, eau filtrée, sucre, glucose, fructose, essence naturelle, acide citrique, thé vert et houlong, concentré de feuilles de thé, acide ascorbique, miel en poudre. Donc même si c'est pas au miel, contrairement à l'autre boisson qui était, on s'appelle ginseng et miel, il y a du miel, mais ça le dit pas dans le titre. Je sais pas pourquoi. Parce que ça doit être moins goûteux. Ça doit être juste pour sucrer, étant donné qu'il avait pas mis de sucre avant. ouais, sarcasme. Tout de sucre, ouais. Maltodextrine et dioxyde de silicium. D'accord. Je pense qu'il y a pas grand-chose d'autre de pertinent. Mais écoute, si tu voulais faire un comparatif pour le sucre, dans la petite barre de chocolat qu'on a mangé, c'était 30 grammes. On avait 12 grammes de sucre. OK, OK. Là, t'en as 54, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est 54 dans les deux? J'allais justement regarder ça. Il y a un petit peu moins de calories en passant, 200, dans celui au ginseng et au miel. Ça va être mon choix, alors. Ça va être ton choix. Dans le sucre, c'est aussi 54 grammes. Caroline, que c'est dur à lire, ça. Tu veux-tu tes petites lunettes avec une petite corde autour du cou? Pas une question de lunettes, pas en tout. Question de fluorescence de l'écriture. Feuille de thé. Celui-là, concentré de feuille de thé. Quand même, il n'y avait pas ça dans l'autre. Concentré de feuille de thé. intéressant. Mais sinon, le reste a l'air relativement pareil. Toujours du thé vert et c'est toujours de la marque Nestlé. Donc, toi, tu veux... moi, j'aurais aimé goûter les deux éventuellement. Mais oui, mais t'as pas amené de verre. J'ai pas amené de verre du tout. Hein, mais donc, non, j'ai pas assez de choses à faire avec la console. Ça, c'est la fin. Donc, est-ce qu'on a pas de verre? Ben, donc, on devrait aller directement à la canette. Il y a du lait dedans. Parfait. Fait qu'on s'échangera les canettes plus tard. Mélanger. On est capable de s'échanger des canettes. Il n'y a pas de trouble. Hein? Ben écoute, pour avoir mangé dans le lunch de l'un de l'autre pendant 2 heures. On connaît... nos microbes. Nos microbes, c'est ça. On était habitués. On les a apprivoisés. Si ben on oui, veut. C'est ça. On s'est fait des anticorps et tout. Là. Ah. On t'avait de faire des vaccins. Donc, c'est toi qui vas ouvrir de ton côté avec les micros magiques, mais seulement la canne de... Attends, est-ce que t'as pris mangue ou t'as pris l'autre? C'est lequel tu voulais déjà? Non, c'est bon. J'ai ginseng et miel. Un petit peu moins de calories. C'est bien ça. Donc, tu vas ouvrir ginseng et miel au micro. On va s'imaginer l'ouverture de mon côté pour pas déranger. Oh, on tape sur le côté, oui, bien sûr. Le plus le côté, on a appris que c'était le côté qui fait taper. Ah, oh, t'as dit qu'en dessous, ça devait marcher pareil. Non, j'ai pas dit ça, pardon. Je vais faire toutes les barres. C'est bon. Voilà, c'est fait. Un beau petit bruit de canette. Moi, je l'ouvre de plus loin, pas être proche de la console. Tu vois, genre, mais c'est le même genre de bruit. On l'a quand même entendu. C'est ça, exact. Odeur. Ça sent quand même assez fort, le thé. Oh, moi, j'aime cette odeur-là de mangue. Là. La mangue est vraiment présente de mon côté. Ça sent vraiment très fort, le thé vert. On dirait que j'ai vraiment un thé vert dans les mains. C'est vrai. Parce qu'en partie, t'as en effet un thé vert dans les mains, juste avec d'autres affaires autour, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça mais c'est on dirait vraiment risque. Que j'ai juste un thé infusé. Mmh. Très intéressant c'est comme l'infinité. Odeur. Oui, bon. Je te laisse goûter en premier. Ça te OK. Va? Fait que, commente-moi qui goûte. Parfait. On regarde et on écoute Stéphanie boire son Nesté à saveur de ginseng et miel. C'est très agréable comme goût. Moi, je m'attendais à ce que ça ressemble vraiment beaucoup à leur produit... le classique Nesté. Oui, mais non, ça goûte beaucoup plus le thé vert. Mmh. Ça goûte vraiment le thé comparativement... à un thé glacé où ça goûte pas tant le thé que ça, là. Non, c'est ça, exactement. Non, le thé glacé a sa propre saveur sucrée caractéristique. Quand tu demandes dans des boutiques spécialisées ou des cafés de te faire un thé glacé, que tu goûtes ça, tu dis, ben là, c'est parce que je demande un thé glacé. Hein. Bon, mais c'est ça, un thé glacé, même. C'est vraiment ça, un thé glacé. Oui. C'est glacé. C'est pas si bon que ça. C'est pas super bon, l'embauche. Ça dépend quelle sorte de thé. Alors que Nesté, eux, c'est plus sucré d'habitude. Donc, ça rejoint, tu dis que ça goûte pas comme le Nesté normal, mais ça l'approche, mettons, c'est ça? Un peu? Oui, ça s'en approche, mais ça goûte plus le thé, je te dirais, que les autres produits Nesté. Puis c'est très frais. C'est vraiment bon. Rafraîchissant, tu dirais. Oui, c'est très rafraîchissant. Le goût est quand même doux, mais t'as le goût là, de la plante du thé, contrairement à l'autre. Puis, mais tu sens le petit sucré. C'est très agréable. Je pourrais avoir l'impression... Quelqu'un qui te donnerait ça fait maison, je pourrais presque le croire. Là. Ben... pas dans la canette, par exemple. Non, ben c'est ce que j'allais dire. C'est exactement le point que j'allais amener. C'est la canette qui rend ça cheapo, on dirait une grosse bière, genre. Je comprends la mode des canettes de thé de l'autre compagnie qui sont super en vente, super populaires, mais il me semble que je l'aurais mis en bouteille. C'est vrai, hein? Une bouteille de plastique et tu viens de monter la classe de quelques coches facilement. Donc, je vais goûter de mon côté. Moi, j'ai la saveur mangue. Donc, sans rien de plus, juste mangue. Et la canette est très belle. Oui. Ben, c'est thé vert à la mangue. Les deux, c'est du thé vert. C'est vrai qu'on a tendance à pas tellement mentionner le visuel. Je sais pas si c'est une question de radio. Le tien est très, très vert avec juste une feuille de thé et un petit bout. Des alvéoles de miel. Alvéoles, voilà, de miel. Mais ça, je trouve ça tellement beau, des alvéoles de miel. Oui. On s'entend que c'est beau. De mon ça côté. Ça donne le goût de croquette dedans. Vraiment. On voit une mangue découpée, comme on voit souvent les mangues découpées. Donc, en genre de. Pas complètement coupée, mais tu sais, juste dans le milieu pour qu'on voit les. Avec une mangue de tranchée comme. Avec la plume, mais tranchée en dés qui manque juste à démancher le morceau. À démancher le morceau, exact. À dés, oui. Et le reste, ben, on rajoute un petit peu de rose partout. Il y a l'air d'avoir des vagues d'eau, même si ça a l'air très abstrait comme art derrière. Moi, je suis sûr que c'est des vagues de thé. Peut-être. Donc, je vais goûter, moi, de mon côté, à la version mangue. Donc, il approche ses lèvres. Oh, penche sa bouteille, la canette. Oh, déglutit. C'est une méchante grosse gorgée, on se calme. C'est-tu bon? Oh, c'est bon. Ça goûte-tu le thé? Ça goûte vraiment beaucoup plus la mangue que le thé, okay. À mon avis. Je suis en train de l'absorber. Le thé n'est pas tellement présent de mon côté, mais... OK. De mon côté. Donc, si vraiment on veut avoir un goût de thé, on va peut-être plus choisir le thé vert au ginseng et au miel. Oui. Je le goûte, je le vois qui est là, je le sens, mais en effet, je ne le goûte pas tant que ça. Donc, eh bien, je serais curieuse. Est-ce qu'on échange, oui? Ouais, je serais curieuse de voir ça. On dépose ça dans la cage anti-accident. Qui ouais. Est, ici. Là, c'est pas brillant de tendre les deux la canette en même temps alors non, qu'on a ça. Seulement une main. On dépose, mais c'est pour ça que c'est un processus en plusieurs étapes. On l'insère dans le tiroir où il est impossible de faire des renversements. Et ensuite, le on sort de l'autre côté. Pas le tiroir. Non, mais le couloir comprend un tiroir de sûreté. Ah, ok, ok. Dans mon monde. Dans ta tête. Donc, on fait l'échange chacun en même temps. Tiens. Oh, ça sent très sucré. La mangue, surtout, pour vrai, tu ça sens. Ça sent quasiment la gomme. Oui. En fait, l'odeur goûte la gomme. C'est vrai, ça. Avec beaucoup trop de saveur. Puis que deux secondes après, il n'y a plus rien. Mm-hmm. Ben, je vais goûter à ça. Mais la saveur reste, puis j'aime bien cette saveur. Non, non. Mm. Ah, le thé est vraiment plus présent dans celui-là. Hein? Mais ça goûte zéro, le thé, zéro ça. Zéro thé, c'est ça. C'est mangue seulement. Ouais. Ça goûte pas le thé du tout, du tout, du tout. De mon côté, j'ai de la misère à goûter le miel. Je vais regoûter. De ton côté, tu vas regoûter. C'est très drôle. Le miel vient adoucir le tout. C'est vrai. Ah, oh, je le goûte, le miel. C'est deux styles complètement différents, même si c'est dans la même collection. Je dirais que tu peux pas... Faut que tu aies le goût d'un et de l'autre. Là. Oui, c'est très, très différent. Oui, vraiment. Je te dirais que moi, à la mangue, ça goûte quasiment le jujube à la mangue, tellement c'est sucré. Mm-hmm. Mais c'est un goût agréable. Tout à fait. Ça arrive souvent qu'on va boire des... Ah, je trouve que ça goûte quasiment les pêches. Tu sais, les jus de pêche en fontaine là, qu'on voit dans les restaurants. Fluorescent orange, ouais. Je trouve que ça goûte un peu ça, puis j'aime ça, ça me rappelle mon enfance. Mmh. Je suis sur notre célèbre ami google.com et j'ai cherché Nesté Mango. Ils l'ont en bouteille. Il y a certaines sortes de Nesté Mango en bouteille. J'essaie de voir s'il n'y a pas la grosse canne. D'après moi, c'est seulement le format qui doit être nouveau. D'après moi, dans peut-être. D'autres pays, ils ont sûrement déjà fait des Nesté Mangue. Peut-être pas ici, mais je pense que c'est assez populaire partout. Ce qui veut dire d'autres pays. Ce qui veut dire d'autres pays, en effet. C'est un synonyme, je veux dire. Mais écoute, c'est très rare que ça arrive quand t'amènes quelque chose pour la malbouffe. Mm. Mais ça, c'est quelque chose que je me rachèterais de temps en temps. Ah! C'est rare que ça arrive, mais ça, c'est vraiment des goûts qui m'ont interpellé. Cool! Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Mm-hmm. Ça se peut que j'ai des rages de ça des fois. Mais c'est ouais, pas hein. nécessairement une bonne chose parce que c'est très bon. Tu peux devenir accro facilement ouais, à ça. Ouais. C'est ça. Je pense que ça vaut pas la peine de chercher bien plus longtemps. Je pense que je l'ai la nouvelle. Ah ben tiens, gars. D'après moi, là, si on va ici, là, vu qu'on a comme le temps encore, si on écoute ça, on devrait peut-être l'entendre peut-être. Tant pis. On va attendre le thé. Brian, how did that scratch get on the side of my car? On se fait graffiner, mais c'est qui a graffiné ma voiture? Hein? Là, le fils boit sa canette de thé glacé. Son Just père. Just keep drinking. Nesté, now in a king can. Only 99 cents. Dans le fond, son père lui demande qui a graffiné ma voiture et le fils se met à boire son thé pour passer le temps en espérant que son père oublie. Et là, on voit, tiens, je lis l'autre, il monte en plein écran. T'as miel et ginseng, comme on a dit, mangue que j'ai goûté. Et il y a aussi du half and half, moitié-moitié, thé et limonade. Oh. Ça a l'air bon, hein? Ça, moi, j'aime ça parce que souvent, je vais hésiter entre les deux. Mm-hmm. Quand j'ai le goût de me sucrer le bec, là, me gâter la fin de semaine, ouais. J'hésite beaucoup entre limonade, thé glacé, mm-hmm. Si j'ai un moitié-moitié, c'est la belle vie, ça. Tout le monde gagne, si on veut. Ouais. Tout le monde gagne. Ouais. Donc voilà, Nesté, on a passé beaucoup plus de temps là-dessus que les autres produits qu'on pensait passer plus de temps. Ben oui. Celui qu'on pensait passer le moins de temps. Mais bon, nous voilà donc arrivés presque à la fin d'Assemblage Hockey de notre édition de cette semaine. On va bien sûr continuer un jour potentiellement à la bouffe et la malbouffe de la semaine. Ben oui, de temps en temps. C'est la fin d'une série régulière. Je dirais que cet été, on s'est donné comme mission d'en faire à chaque semaine parce qu'on a du plaisir à le faire. Ben oui. Ouais. C'est fun d'écouter de nouveaux produits puis se bourrer la face. De toute façon, quand on arrive en fin d'émission, on a toujours faim. Mm-hmm. Donc là, au lieu de manger subtilement dans vos oreilles, on le fait tout en connaissance de cause. Voilà. Donc vous êtes complices. C'est parce que l'émission se termine à 18h, mais à partir de la semaine prochaine, on en parlera en conclusion dans quelques instants, mais ce sera plus jusqu'à 18h. Nos émissions, ça va jusqu'à 17h, donc on en reparlera. Pour l'instant, pour la bouffe de la semaine, on l'a dit, c'est la fin pour l'instant, mais on vous en reparlera à Assemblage Requis, ça reviendra éventuellement. On vous dira à l'avance, vous pourrez acheter les produits, les goûter avec nous. Bonne idée. Mais tellement pas. Je veux dire, on le sait 10 minutes à l'avance qu'on va manger. C'est ça. Le matin même. Si l'épicerie était ouverte à 6h30 le matin, je l'achèterais à 6h30 le matin. Oui, c'est sûr. Sinon, tu vas aller au dépanneur. Genre... C'est le fun, des produits dépendants. Je pense que c'est les meilleurs qu'on a fait. Tu l'as fait une fois, t'étais allé au dépanneur du Canadian Tire? Oui, oui, oui. Parce que l'épicerie était fermée avant 8h le matin. Hey. L'émission commençait à 7h30. Je suis passé par là à 7h15. Je suis allé au dépanneur devant le Canadian Tire sur des forges. Il n'y avait rien. Il y avait des petits gâteaux. Des bons chocolats, des chips, pas mal ça. Je me rappelle pas ce que j'ai amené. Une tartelette au sucre, quelque chose du genre. J'en ai aucune idée. C'était particulier. Je trouve. C'était différent. Différent! On a mis un galon de gaz. mais bon, nous voilà arrivés à la fin de notre périple d'assemblage requis pour cet été. C'est tout? Ah. Oui. Et c'est la dernière fois qu'on se parle dans cette case horaire-ci. Fait que là, ça va-tu donner mal à l'automne? Va se mettre à mouiller? Ouais. Les feuilles vont tomber? Ouais. Puis là, tout d'un coup, je suis déprimée. Non! Mais! Nouvelle programmation. Oh que oui! On aime ça. Tout est nouveau, en fait, assez fou. Vous l'avez certainement remarqué cet été. On a une nouvelle image de marque assez fou et au centre campus. Allez voir le cifou.ca. Et tant qu'à changer l'image de marque, on s'est dit qu'on changerait pas mal tout ce qui tourne autour de l'assemblage requis aussi. Donc, on a un nouveau logo, nouvel environnement sonore, nouvelle chronique de nos chroniqueurs, collaborateurs réguliers. Nouvelle co-animatrice. Ben oui, j'allais le dire. À temps plein, mettons. Ben, à temps plein. L'année passée, on a testé un peu le format avec deux jours semaine de Jean-Philippe Charbonneau et deux jours semaine de Stéphanie Paradis. Cet automne, ce sera 100% Stéphanie Paradis. Finalement, j'y ai pris goût. Ben, je pense que oui. Hein. Un peu trop, là. Ben, oui. T'es accro. Mais incruste. Ben, c'est ça. Jean-Philippe Charbonneau n'est pas mort. Ne part pas pour autant. Il va co-animer les Panneurs assez fous avec moi les mercredis dorénavant. Donc, nouveau jour, nouvelle heure. C'est les mercredis de 14h à 17h. Ici même sur C'est fou. On a échangé nos co-animateurs, comme on dit. C'est ça. C'est facile, c'est ça. C'est l'émission à Canal Vie. Je pense que oui. Ouais. Donc, chacun prend la place de l'autre. Mais moi, je reste fidèle au poste. Comme je disais, nouvel enrobage, nouvel environnement pour Assemblage requis. Ça commence le 1er septembre. Et là, c'est ce qu'on doit vous dire. Tout change en même temps, mais pas en même temps. Genre, tu comprends ça? Non. Non, ben je vais te l'expliquer. Donc, le 1er septembre, on va être là de 6h30 à 9h30 pour l'édition spéciale de Généalogie numéro 2. Où on va vous présenter toutes les chroniques La Bouffe de la semaine qu'il y a eu cet été jusqu'à, pas celle d'aujourd'hui, mais l'autre avant. Donc, tout l'été de La Bouffe de la semaine. Ça va être le lundi 1er septembre. C'est entre 6h30 et 9h30. Ensuite, mardi 2 septembre, de 6h30 à 7h30, c'est la deuxième année d'Assemblage prérequis, où on présente des vieilles chroniques d'Assemblage requis. Par contre, cette année, petite twist-off, c'est qu'on fait des chroniques d'il y a deux semaines minimum. Donc, à la place de prendre le jour d'avant, comme c'était l'année passée, et peut-être répéter pour ceux qui l'auraient entendu, c'est deux semaines avant. Donc, moins de chances d'avoir côtoyé ces mêmes chroniques-là. Et ça va être seulement des chroniques maison. Ou sinon, on va l'avoir oublié, tout simplement. Oublie, ben j'espère. On essaie, en tout cas, blackout total. Mais ça va être des chroniques seulement maison, donc pas de chroniques de collaborateurs. On regarde ça pour les meilleurs moments, c'est fou. Ah, ben oui. La fin de semaine, pas trop de moi, moins de moi dans les meilleurs moments. Voilà. Sinon, donc ça commence le mardi 2 septembre à 6h30 et ensuite à 7h30 pour le vrai, là, ça va être le vrai début de la saison. On va être de retour en direct, Stéphanie et moi, avec tout plein de nouvelles personnes. Hey, ça va être excitant. Génial! Donc, à partir du 1er septembre, lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30, allez voir la programmation complète sur cifou.ca, télécharger la balado diffusion, les notes de l'émission, tout est sur assemblagerequis.com. Lui aussi est tout nouveau, avec le nouveau look de tout. T'es partout. Mm-hmm. Voilà, assemblagerequis.com. Merci, Steph! Hey, merci, Mathieu! C'était un été assez le fun! Oh, on recommence! OK! Tu disais les vacances au mois de juillet? Oui, les vacances, c'est ça. Oui, les vacances. Donc, à lundi, entre guillemets. Ouais. Oui, on va les guillemets. À lundi, mettons. Bye! Bye!